بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc nous entamons une nouvelle séance dans la lecture de la traduction donc de l'épître de l'éminent savant الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله l'épître adressée à Abdullah ibn Zubrin rahimahullah pour riposter en fait à Abdullah ibn Zubrin qui avait défendu malheureusement Hassan al-Banna, le fondateur donc du groupe des frères musulmans, de Al-Ikhwan al-Muslimoun, qui est un groupe, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un groupe égaré, c'est un groupe qui a fait beaucoup de ravages dans la communauté musulmane. Wallah al-musta'an. Donc là, la dernière fois, on a vu un certain nombre de points, 25 points, que donc le cheikh il avait rappelé comme critique adressée à Hassan al-Banna. Comme critique adressée à Hassan al-Banna et ses défenseurs. Et ses défenseurs. Donc maintenant, on va lire la suite donc, concernant les objections de Abdullah ibn Jabrin, ce qu'il objecte, pourquoi il ne faut pas publier le livre initial de Cheikh Najmi qui réfute les sectes égarées inventées. Donc le livre Al-Mawrid al-Adb al-Zulal. Donc c'est au sujet de ce livre qu'il y a eu donc la discussion, et notamment au sujet du 9e chapitre qui critique l'Ikhwan Muslimin, puisque malheureusement Abdullah ibn Jabrin, il a été gagné par cette idéologie, malheureusement. Comme d'autres prêcheurs, hein, ils ont été gagnés par cette idéologie ou par d'autres idéologies. Donc, malheureusement, donc Abdullah ibn Jabrin, il a défendu cet homme qui est Al-Banna. Il a défendu aussi Qutb, Sayyid Qutb. Et donc, un autre savant qui est Bakr Abu Zayd aussi, rahimahullah, malheureusement, il a été gagné par cette idéologie. Malheureusement, il a défendu Sayyid Qutb contre les savants salafis. Il a défendu Sayyid Qutb. Donc, Bakr Abu Zayd, qui était membre hein, donc du comité donc des grands savants et donc du comité aussi de l'IFTA, hein, donc du comité permanent de l'IFTA. Et donc, il a défendu malheureusement cet homme très égaré qui est Sayyid Qutb. Hein, cet homme très égaré, il l'a défendu dans le Batil. Hein, il l'a défendu dans le Batil. Lorsque Cheikh Rabi' il a écrit, il a sorti des écrits qui montrent les égarements de cet homme, Bakr Abu Zayd, il a écrit une lettre hein, où il défendu malheureusement Sayyid Qutb, et donc Cheikh Rabi' il a riposté, il a répliqué par Al-Hadd al-Fasil bain al-Haqq wa al-Batil, où il adresse ce livre à Bakr Abu Zayd. C'est la même chose qui se passe maintenant avec ce livre que nous sommes en train de lire, que donc Cheikh Najmi il adresse à Abdullah ibn Jabrin. C'est donc la même chose. Donc et si par exemple des gens comme Bakr Abu Zayd ou comme Abdullah ibn Jabrin et d'autres hein, et malheureusement les shubuhat de l'Ikhwan Muslimin donc les ont dupés hein, donc ils les ont trompés, donc nous devons faire très attention en réalité, on doit s'accrocher hein, vraiment, et s'attacher à Manhaj Salaf Saleh, et nous attacher aux orientations des grands savants, et donc nous attacher à Manhaj Al-Sunnah Al-Jama'a, et ne pas lire donc n'importe qui, mais ne pas voir n'importe quel audio ou quelle vidéo ou quel document. Hein. Il s'agit de vivre avec les gens de la sunna, de lire hein, leur science et donc d'apprendre dans leur savoir, et donc s'éloigner des gens des innovations. Hein, s'éloigner des gens des innovations. Beaucoup de prêcheurs sont tombés malheureusement. Beaucoup de prêcheurs hein, sont tombés dans les pièges de ces groupes et dans les pièges de ces idéologies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve ainsi que tous nos frères. Donc là, on va continuer. Et donc le cheikh, il a dit, et concernant ta parole, qu'ils, c'est-à-dire les savants, qu'il aurait excusé Hassan al-Banna pour les erreurs qui venaient de lui. Fin de citation. Cheikh Najmi dit, je dis, hein, premièrement, quelles sont ses fautes pour lesquelles il convient de l'excuser? Hein, donc, Ben Jibrin l'a dit, les gens de science, ils ont excusé Hassan al-Banna. Comment donc cela? Comment? Donc ça, c'est vraiment une prétention qui n'a pas de fondement. Le Cheikh lui pose la question, quelles sont donc ses fautes pour lesquelles, hein, il convient de l'excuser? N'est-ce pas que ce sont plutôt des erreurs de détail basées sur l'effort du savant, ijtihad? Hein, donc l'excuse, c'est quand il s'agit de questions de l'ijtihad. Hein, et comme donc il va le rappeler, hein, donc Benna ne fait pas partie donc des gens de l'ijtihad. Hein, donc à la base. Donc là, n'est-ce pas que ce sont plutôt des erreurs de détail basées sur l'effort du savant? C'est dans ces questions que l'on excuse. Hein, n'est-ce pas que ce sont des erreurs, hein, de détails basées sur l'effort du savant, de l'ijtihad? Est-ce que les erreurs de Al-Banna relèvent de cette catégorie? Les erreurs qu'on a lues la dernière fois et qui sont en nombre de 25, seulement que donc le cheikh il a évoqué, alors que Al-Banna, donc il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, effectivement, parce que donc d'autres l'ont critiqué. Il y a un cheikh qui s'appelle Abdullah bin Salfiq al-Dafiri. Hein, aussi, il a écrit un livre aussi donc concernant donc Abdullah ibn Jibrin. Et donc ce livre, il est adressé aussi à Abdullah ibn Jibrin. Et il rappelle aussi des choses concernant la méthodologie de l'Ikhwan Muslimin que lui, il défendait malheureusement à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Et donc, il y a d'autres erreurs, en fait. Il y a d'autres erreurs. Wallahu musta'an. Donc là, les erreurs où l'on peut excuser, où l'on excuse le savant, parce que le prophète alayhi salam, il a dit, إذا جهد الحاكم فأخطأ فله أجر, hein, et avant il a dit, إذا جهد الحاكم فأصاب فله أجران, hein, c'est-à-dire si le savant ou bien le juge, hein, le savant ou bien le juge, il fait l'ijtihad, il va faire l'effort, hein, et il va avoir le succès dans donc dans sa réponse, il aura deux récompenses. Il a l'effort d'avoir atteint le succès et l'effort de son effort. Hein? Et donc, et la récompense de son effort. Hein? Et s'il va faire l'effort et il n'atteint pas le succès, il a une récompense. Hein? Une récompense pour son effort. Donc ça, c'est les questions de l'ijtihad et ça concerne le savant qui est mujtahid. Ça concerne le savant qui est mujtahid. Ça ne concerne pas n'importe qui. Par exemple, Benna ne faisait pas partie des gens de l'ijtihad. Parce que pour être un mujtahid, dans usul fiqh, il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc non pas n'importe qui, il est mujtahid. Hein? Non pas n'importe qui, il est mujtahid. Donc là, pour être mujtahid, il faut vraiment avoir, hein, donc beaucoup de science. Et donc là, l'ijtihad aussi, hein, donc ça peut porter sur un certain nombre de chapitres, comme ça peut porter sur quelques chapitres. Donc ça peut porter sur une partie. Il peut être mujtahid dans quelques questions, dans une question. Hein, il va se spécialiser dans une question. Mais pour être mujtahid, il faut avoir de la science. Il faut avoir beaucoup de science. Donc là, le cheikh, il pose la question. Est-ce que les erreurs de Al-Banna relèvent de cette catégorie, c'est-à-dire de l'ijtihad, hein, pour qu'il soit excusé, hein? Est-ce que Al-Banna faisait partie des gens de l'ijtihad, hein, ayant requis ses qualités et conditions, hein? Hassan Banna n'est pas un savant mujtahid dans la Umma. D'accord? Quels sont ses maîtres sur lesquels il aurait appris la science légiférée? Est-ce qu'il a appris la science légiférée d'abord pour être un mujtahid? Hein? Il n'a pas appris la science légiférée. C'était un homme qui lisait de la culture, hein, qui lisait la pensée, hein, qui s'est formé par lui-même dans la pensée et dans la politique, etc. Ça n'a rien à voir avec l'ilm shar'i. L'ilm shar'i, il a donc une autre porte. Lui, il n'a pas frappé sur cette porte. Il n'avait pas des maîtres. Il n'avait pas des chouyour. Hein? Il n'avait pas donc des maîtres pour devenir lui-même un savant. C'était un théoricien donc dans le domaine de la pensée ou de la politique. Et non pas dans le domaine de la science religieuse, c'est-à-dire dans la science légiférée. Hein? Donc là, c'est le premier point. Parce qu'il a dit, ils l'ont excusé. D'accord? Deuxièmement, hein, pour réfuter cette... ils l'ont excusé. Ils l'auraient excusé. Deuxièmement, dit le Cheikh, les erreurs portant sur la croyance ne font pas l'objet de l'excuse. Hein? Les erreurs qui portent comme ça sur la croyance. Et dans des choses comme cela, hein, comme ce qu'on a vu la dernière fois, hein, lorsque il prononce, des vers où il y a wahdat al-wujud, hein, où il prononce des choses où il prétend que le prophète pardonne les péchés et les erreurs des gens, hein, ça ce n'est pas l'objet de l'ijtihad. Ou bien il dit que tawassul c'est pas grave. Hein, faire tawassul par les individus, hein, c'est pas grave. Et à propos de tawassul, je rappelle que en réécoutant le cours de la dernière fois, lorsque j'ai dit que les sahaba ils faisaient la troisième forme de tawassul qui est tawassul bi du'a ar-rajul salih, j'ai prononcé le nom de Ja'far au lieu de l'Abbas. En fait, il demandait à l'Abbas, hein, il demandait les sahaba, il demandait de l'Abbas de prononcer une invocation, hein, qu'il pleuve, hein, pour avoir la pluie, hein, c'était une forme de tawassul aussi. C'est-à-dire ils vont faire tawassul bi du'a ar-rajul salih, ils vont utiliser ce moyen qui est du'a ar-rajul salih pour demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc j'ai prononcé Ja'far au lieu de Al-Abbas, hein, alors que Ja'far il est mort bien avant, hein, du vivant même du prophète alayhi salatu wasalam. Donc là c'était un point qu'il fallait corriger aussi. Très bien, Safirullah min al-khata. Et donc là c'est voici la rectification, alhamdulillah. Concernant ces erreurs, hein, ce sont des erreurs flagrantes dans la croyance. Le Cheikh il a dit, hein, les erreurs de croyance, c'est-à-dire les erreurs de ce genre. Hein, nous on ne va pas rentrer dans une grande question aussi qui est l'excuse de l'ignorance, etc., que certains groupes, la Haddadiyya notamment, ils essaient de soulever, etc. Nous, on reste avec les paroles des gens de science. Hein? Les paroles des gens de science, c'est lorsqu'il y a, c'est-à-dire des erreurs comme ça, comme celle de Al-Banna, alors que Al-Banna, il se prétendait comme un théoricien, non pas comme un ignorant dans la Umma, par exemple, hein, un homme analphabète ou un homme qui vivait loin, hein. Mais plutôt là, il s'agit de quelqu'un qui théorisait, qui avait un groupe, tout un groupe derrière lui, et qui était le chef d'un groupe. Hein? Donc là, est-ce que ces erreurs de croyance, on va les excuser? Hein? Donc là, le Cheikh l'a dit, les erreurs portant sur la croyance ne font pas l'objet de l'excuse. À l'unanimité des gens de science, les gens de la Sunna et du groupe Al-Sunna Al-Jama'a. D'accord? C'est-à-dire les erreurs de ce genre. Hein? Les erreurs de ce genre qui sont manifestes. Lui, il dit que le prophète, il assiste avec eux. Ça, c'est pas une... ça, c'est une grande prétention. Al-Hadra, la notion de Al-Hadra. Ça, c'est un grand mensonge. Hein, ça, c'est un grand mensonge. Had al-Habibu qad hadara. C'est-à-dire que il prétend que le messager, en chair et en os, il assiste avec eux. Et que eux, ils le voient. Alors que si toi, tu vas dire, moi, j'ai pas vu, ils vont te dire, parce que toi, tu n'as pas la lumière que nous avons, tu n'as pas la bonne guidée que nous avons, tu es un égaré, hein, puisque toi tu suis la sunna et tu dis le prophète il est mort, il est dans sa tombe, hein, il ne sort que lorsque les corps seront ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te dire non, toi tu es un égaré, tu n'as pas vu le prophète qui assiste à nos rencontres de dhikr, hein, où ils vont même aller jusqu'à la danse, hein, où ils vont déployer une étoffe blanche et dire que nous sommes en train de faire, et donc le prophète va assister dans ce lieu avec nous. Donc là, c'est du mensonge qui est chez les soufis. Et le Hassan Bella, c'est un soufi, c'est un grand soufi. C'est un égaré, un grand homme dans ses égarements. Donc là, le Seigneur, il rappelle que ces choses ne sont pas objets de l'excuse. Hein. Et les livres, donc dit le Seigneur, et les livres innombrables de réfutation des innovations qu'ils avaient composées hein, en tout temps et lieu, depuis l'ère des successeurs jusqu'à nos jours, attestent de cela. C'est-à-dire les livres composés par les gens de la Sunna, ils montrent qu'ils n'excusent pas donc les erreurs, donc surtout lorsqu'il s'agit des questions de croyance. Hein? Donc, lorsqu'il s'agit de questions de croyance, ils les refusent. Hein? Ils les réfutent toute erreur, bien sûr. Et notamment lorsqu'il s'agit de croyance, parce que ça c'est grave. Hein? Ça c'est des questions hein? Donc encore plus graves. Donc le fait donc de falsifier la croyance des gens de la Sunna. Hein, et donc de falsifier la croyance de As-Salaf Saleh. Donc depuis l'ère des successeurs, parce que c'est là où ont commencé les premiers écrits pour réfuter les innovations. Hein. Lorsque Ad-Darimi, il réfuta, donc il commença à réfuter des gens, donc à son époque des Jahmi, et ainsi de suite. C'est à partir de là que donc on commence à voir des écrits des gens de la Sunna jusqu'à notre époque. Donc des écrits de critique contre les sectes égarés. Non pas donc que les gens de la science ils se contentent d'expliquer la croyance, d'expliquer le fiqh, etc. Et ils ne vont pas critiquer les erreurs. Si on ne veut pas critiquer les erreurs, les jeunes et les gens qui se convertissent des autres communautés, ils risquent de prendre ces erreurs et ils ne vont pas voir, ils ne vont pas séparer entre le haq et le batil, entre la vérité et la fausseté. Hein? Non, donc il y a dans notre religion, il y a le fait d'ordonner le bien, le convenable, et le fait de réprimander hein, le blâmable. Il s'agit de propager le bien, il s'agit aussi de contrer, et de critiquer, et d'éradiquer, et de combattre le batil, de combattre la fausseté. Et non pas seulement donc, se contenter de faire un travail, c'est-à-dire sur un seul plan, mais aussi de critiquer les erreurs et les fautes et les égarements. Que ces erreurs soient celles de groupe hein, ou d'individus ou des erreurs donc, dans des écrits, hein, dans des livres, dans des articles et ainsi de suite. Très bien. Donc le cheikh, il rappela ce deuxième point. Ensuite il a dit troisièmement, les messaïrs que tu avais cités sont des gens de la sunna et du groupe. Parce que donc Ben Jibrin il a cité dans sa lettre, hein, des messaïrs, etc., il va dire comme quoi donc ces messaïrs, ils ont excusé. Hein, ils ont excusé Al-Banna. Donc le cheikh, il est en train de répondre à cela. Donc là, les messaïrs que tu avais cités sont des gens de la sunna et du groupe. Hein, parce qu'il a cité Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a cité d'autres. Très bien. Et s'il aurait connu une contravention de Hassan al-Banna vis-à-vis de la législation dans ses fondements et croyances, il ne l'aurait pas excusé. Parce que les gens de la Sunna, ils ne vont jamais se taire face à une fausseté. Hein? Pourquoi le messager alayhi salam il dit la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Il restera dans cette communauté des gens, hein, des gens. Ta'ifa, une secte. Hein, zahirin al-haq. Ils vont toujours avoir, c'est-à-dire, le dessus. Ils ont toujours la victoire. Ils triomphent toujours. Hein, c'est-à-dire, face à toutes les communautés, hein, ils ont toujours le dernier mot. Ils ont toujours la victoire. Ils ont toujours la victoire. Et ces gens, ils ne vont jamais se taire face à al-batil. Ces gens ne vont jamais laisser les koufars ou bien les innovateurs propager une fausseté dans le monde et eux, ils ne vont pas la réfuter, la délaisser comme ça. Non, ils vont toujours la critiquer. Hein, toujours la critiquer parce que le prophète, il a donné cette bichara, cette bonne nouvelle, cette bonne annonce. La tazalu ta'ifatun. Il restera une ta'ifa, une secte dans ma communauté, hein, zahirin ala al-haq, et qui triomphe. La yadurruhum man khadalahum. Celui qui les décourage ne va pas donc leur nuire. Non plus que celui qui va man khalafahum, c'est-à-dire celui qui va les contredire ou les contrarier. qui sera leur opposé. Celui qui va s'opposer à eux ne va pas donc les leur nuire vraiment. Hein, il ne va pas donc vraiment donc avoir donc c'est-à-dire l'emporter sur eux en quelque sorte. La yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah. Jusqu'à ce que donc la donc l'heure donc du jugement dernier vienne, hatta yati amrullah. Très bien. Donc là ces gens donc les gens de la sunna ne vont pas se taire. On ne peut pas penser que Ibn Baz ou l'Albani ou un autre, lorsqu'on va lui montrer un égarement comme cela qui concerne la aqida ou un point comme cela, donc dans les fondements, il va excuser quelqu'un ou bien il va pas lui répliquer, hein, il va l'excuser alors que cette personne elle a des suiveurs et elle est connue, hein. Très bien. Donc là c'était le troisième point, hein, le troisième point. Le quatrième point, le Cheikh il a dit, ta parole qu'il l'aurait excusé est une prétention de ta part. Hein, est une prétention. Parce que donc, ce n'est pas étayé par une preuve. C'est-à-dire, voici une fatwa ou voici un livre où on l'a dit, les savants ils ont dit, voici cet homme, on l'a innocenté. Cette chose ne se trouve pas dans ses livres. Ou bien elle se trouvait et il l'a corrigée, voilà. Il n'y a pas donc, ça c'est une simple prétention. Hein, ta parole, il lui dit, ta parole, qu'il l'aurait excusé, est une prétention. Hein, est une prétention de ta part. Si tu as une preuve étayant cela, montre-la donc. Si tu as une preuve qui montre qu'ils l'ont excusé, montre-la. Ceci pourrait passer en ta faveur concernant ceux qui sont morts. Hein. Quant à Cheikh Abdul Aziz, il est encore là. Hein, lui a dit, les autres savants que tu as cités, ils sont morts. Peut-être que tu vas mentir à leur sujet. Tu vas dire, ils l'ont excusé. Mais Abdelaziz ibn Baz, il est encore là. On peut donc lui demander. Hein? Abdelaziz ibn Baz, rahimallah, il était encore vivant. Hein? Et le Cheikh va lui dire, même explicitement. Hein? Quant à Cheikh Abdelaziz, il est encore là. Et sa position envers ces gens est connue. Hein? La position du Cheikh Abdelaziz ibn Baz était ferme face au groupe des frères musulmans. Hein? Hein, donc on a lu une fatwa dans cet écrit et il y a une fatwa où il dit qu'ils font partie des 72 sexes qui se trouveront en enfer. Hein, vous savez ce hadith qui est important et le salafi il s'agit de mémoriser ce hadith parce qu'il est très important. Hein, wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kullu fi an-nar. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. شيخ ابن باز رحمه الله il a dit le groupe des frères musulmans et le groupe de At-Tabligh font partie des groupes qui se trouveront en enfer, hein, parce qu'ils ont des égarements comme cela dans la croyance, hein, ils ont des égarements, hein, dans la croyance, dans la méthodologie et dans d'autres chapitres. Et notamment les égarements dans la croyance, hein, c'est mortel. Hein, c'est une chose qui vraiment donc détruit la personne ou détruit les groupes. Très bien, donc là le Cheikh il a dit, quant à Cheikh Abdelaziz, hein, il est encore là et sa position envers ces gens est connue. Hein? Il est un imam et un exemple pour nous. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimallah, était donc une sommité dans la science. C'était un grand savant. Hein, c'est pourquoi Cheikh Najmi, rahimallah, il disait, hein, c'est notre imam et il est un exemple pour nous. Hein, nous savons à son sujet qu'il réfute toute erreur, hein, qui lui parvient ou qu'il entend. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a écrit à différentes personnes. Il y a, donc dans son site, vous pouvez trouver. Il a écrit à différentes personnes, donc leur faisant parvenir les nasa'ih, les conseils, hein, les conseils, les orientations. Donc il ne se taisait pas face à al-batil, rahimahullah ta'ala. Donc il a dit, le Cheikh, nous savons à son sujet qu'il réfute toute erreur, qu'il lui parvient ou qu'il entend. Quoi que son auteur soit lointain, ou que la faute soit secondaire, même pour des fautes secondaires, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent paraître minimes, même pour des fautes secondaires, il les réfute. Hein, dans les branches, il ne va pas se taire. Il va réfuter et montrer quelle est la voie qui est correcte. Oh, combien d'erreurs il avait réfutées. Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, il a beaucoup décrit dans les réfutations. Et maintenant, des gens, ils disent, non, vous vous spécialisez dans ces choses, vous ne faites que ces choses. Non. Ça, c'est un grand bab où donc les musulmans doivent contribuer. Comme ils doivent contribuer aussi dans les autres avouades, telles que la croyance, telles que le fiqh, et telles que donc, les différentes sciences de l'islam. Hein? Mais ça, c'est aussi un grand chapitre hein, qui nécessite beaucoup d'efforts des musulmans, surtout à notre époque de faiblesse, où il y a beaucoup de choubouat, beaucoup d'ambiguïté, venant de la part des kuffars, venant de la part des ennemis de l'islam. Tels que les rawafid aussi, tels que donc les sexes égarés et les soufis et les groupes de Ahl Kalam, tels que les Ash'ari, donc beaucoup donc de choubouat. Donc il s'agit que les gens de la sunna réfutent ce batil pour ne pas donc que ces fautes trompent les jeunes et trompent les novices hein, et trompent les débutants hein, et trompent les gens. Très bien, donc le cheikh il a dit oh combien d'erreurs il avait réfutées, c'est-à-dire cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, elles sont nombreuses et je pourrais bien lui écrire Kantel, c'est-à-dire Ibn Jabrin, Kantel prétend que tu excuses Hassan al-Banna dans ses erreurs de croyance. Cela est-il juste hein? Il peut donc lui écrire un mot et lui dire voilà, est-ce que ça c'est juste? Mais ça c'est impensable vis-à-vis de Ibn Baz. Hein? Ça c'est impensable qu'il excuse Hassan al-Banna alors qu'il a ses paroles et ses choses. Très bien. Cinquièmement, si on suppose que l'un des gens de science l'avait excusé dans ce qu'il avait commis d'erreurs de croyance, si on suppose qu'un savant il l'a excusé, il l'a excusé, il serait alors exceptionnel hein, dans cette excuse. C'est qu'on y a ni sitna ou c'est qu'on y a ni chaise fi had fi had l'udhr. C'est-à-dire le fait d'excuser un tel, ce serait une exception. Comment donc c'est contre la règle. Hein? Ce serait une chose exceptionnelle donc il serait exceptionnel dans cette excuse. Et contrarierait la voix des gens de la sunna. Et donc contrarierait les gens, les voix de la... Parce que nous, on ne suit pas des hommes, on suit une voix. Hein? La particularité du sélefi, c'est qu'il n'est pas en train de suivre un homme, ou deux, ou trois, etc. Il est en train de suivre une voix, qui est la voix du messager et de Salaf Saleh. Hein? Il n'est pas en train de suivre un homme. S'il se trompe, tu vas rester avec lui. Non, toi, tu connais la voix de Salaf Saleh, tu es sur la voix de Salaf Saleh. Si quelqu'un il va te dire qu'on excuse Hassan al-Banna, n'importe lequel, tu vas dire non, ça c'est faux. Ça c'est faux parce que cet homme, voici ce qu'il a, voici ce qu'il a. On a connu ce qu'il a. Ou bien Sayyid Qutb aussi. Ou bien les autres chefs de l'Ikhwan Muslimin. Ou bien les autres chefs des groupes égarés. Ou bien donc les autres donc, partisans des groupes égarés qui ont des écrits et qui propagent ces idéologies hein, corrompues. On n'excuse pas les gens de le Batil. Hein? On les excuse pas. C'est au contraire, on les refuse. On les critique et on se sépare par rapport à eux. Donc là, le cheikh, hein, il a montré que si quelqu'un même il va excuser, non, on va aller avec le haqq. Non pas, on va dire oui, puisque c'est un homme, il a dit telle chose, on va, ça y est, on va donc prendre sa parole. Non, on va toujours rester sur le haqq, bihamdillah. Sixièmement, et celui qui l'aurait excusé, hein, si quelqu'un il l'excuse en lui-même, donc lui il ne le critique pas par exemple, à supposer cela, hein, celui qui l'aurait excusé, est-ce qu'il dit ne lui répliquez pas? Est-ce qu'il dit ne le réfutez pas, ne le critiquez pas? Hein? Le cheikh dit, s'il le dit, il assisterait donc les innovateurs et les corrupteurs qui veulent que toutes les choses soient à l'envers. S'il va dire vraiment ne réfutez pas un tel, il va soutenir les gens de l'batil, tout simplement. Ça c'est impensable à l'égard des gens de la sunna. Que les gens de la sunna, ils vont te dire non, ne réfute pas tel égaré. Hein, tel égaré qui égare beaucoup de gens, ne le réfute pas. Ça c'est une chose qui est impensable. Hein, ça c'est une chose qui est impensable. Parce que cette religion, elle a une particularité, c'est qu'elle a été protégée. Hein, et cette religion, elle est restée pure. Et elle doit le rester. Et elle doit le rester. Elle a des règles donc, concernant la critique. Elle a des règles concernant le critique de l'Batil. On ne se tait pas face à l'Batil. Très bien. Le cheikh, il va donc prendre une autre parole. Il a dit, quant à ton propos ou à ta parole, il avait trouvé dans sa parole ce qui montre qu'il était sincère et monothéiste. Hein? Fin de citation de la parole de Ibn Jubri. Hein? Cheikh Najmi dit, je dis, qu'il soit sincère, ceci est connaissable par Allah seul. Hein? Qu'il soit sincère, cela il est connu par Allah, qui peut le connaître. Hein? Quant à ta parole, qu'il était sincère, qu'il était mukhlis, ça c'est dans le cœur, on ne sait pas, c'est Allah qui connaît la sincérité, l'ikhlas. Est-ce qu'il était sincère ou il était, n'était pas sincère, il était mura'i, ça c'est connu de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Qu'il soit sincère, ceci est connaissable par Allah seul. Dans le hadith, hein, authentique, les œuvres sont considérées selon les intentions. Hein, voici les traductions du sens du hadith. Hein, les œuvres sont considérées selon les intentions. Les œuvres sont considérées selon les intentions. Et qui connaît les intentions? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Les œuvres sont considérées selon les intentions. Et chacun aura la récompense correspondant à ce qu'il décidait. C'est-à-dire, il aura une récompense qui est proportionnelle à sa niya. Est-ce que sa niya était débarrassée de shirk et de la prétention et de l'ostentation, hein? Est-ce qu'il y avait de la sincérité et de l'ikhlas dans son cœur? D'accord? On cite cette partie concernant le hadith. Et dans le hadith de Abi Moussa, hein, donc là voici la traduction rapprochée de son sens. Quiconque combat pour la parole d'Allah, pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là est dans le sentier d'Allah. Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. C'est-à-dire que là, sous-entendu que c'est la niya de ce muqatil, de ce guerrier. C'est sa niya, et cette niya, elle est connue par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas connue par les créatures. Hein? Par les créatures. Donc les créatures ne connaissent pas cette niya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît cette niya qui se trouve dans le cœur. Hein? Même les anges, ils transcrivent les œuvres, ce qui est apparent. Les paroles, les actes des gens. Ils ne peuvent pas connaître ce qu'il y a dans le cœur des gens. Hein? Les anges, ils transcrivent les paroles, les actes. Hein? Mais qui connaît niya, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Est-ce que ce combattant, il combattait pour que la ilaha illallah soit la plus haute? Hein? Et non pas donc pour l'ostentation ou pour apparaître comme quelqu'un de courageux. Hein? Wallah al-musta'an. Très bien. Donc, et le cheikh, hein, il continue à citer les preuves, étayant cela. Et dans le hadith d'Abi Moussa qui fut recueilli par l'imam Ahmed, hein, donc voici la traduction rapprochée du sens de ce hadith, hein, peut-être bien qu'il se trouverait une victime entre deux rangs, tandis que c'est Allah qui connaît mieux son intention. Hein. رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. D'accord. Il se peut se trouver que quelqu'un il va mourir entre le rang des musulmans et celui des kuffars. Et les sorciers, il a combattu, il se trouve donc comme victime, ou bien donc il trouve la mort dans le combat. Mais Allahu a'lamu biniyati. C'est Allah qui connaît sa niya. Hein? Le fait qu'il se trouve mort dans le champ de la bataille, ça ne veut pas dire que ça y est, on va attester pour lui. C'est pourquoi nous avons dans notre croyance. Hein? ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. Nous n'attestons pas pour quiconque meurt. On ne va pas dire voilà, il meurt dans le champ de la bataille, donc il va au paradis. Non, on va dire نرجو له, on espère pour lui. نحسبه كذلك والله حسيبه. Même si on fait l'éloge de quelqu'un et on a l'impression que cet homme il œuvrait pour le bien et pour la propagation de l'islam et pour la défense, on dit et on met cette condition, on remet la chose à Allah, on dit c'est Allah qui connaît. Hein? Nous on ne sait que c'est, donc le côté apparent, donc dans ce qui apparaît, cet homme était pour nous quelqu'un qui défendait donc la religion d'Allah. On espère pour lui, mais on ne va jamais décider et dire voilà, il sera en, au paradis. Ou bien le contraire, si même quelqu'un il était pervers, mais il était musulman, hein, lorsqu'il meurt, on dit oui, il avait des manquements, mais on ne va jamais trancher et dire il sera en enfer. On va dire, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, qui sait donc ses œuvres, ses actions, hein, comment il était donc lui donc dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Rabba qatilin bayna saffayn, Allahu a'lam bi niyyati. Hein, il peut se trouver que quelqu'un il meurt dans le champ de la bataille, mais c'est Allah qui est donc comme donc dans le hadith, peut-être qu'il va le mentionner aussi, hein. Donc l'homme qui combattait, qui était un grand héros, hein, dans la bataille, qui a tué beaucoup de koufars, et les sahaba étaient étonnés de ses exploits, et le prophète disait il est en enfer, hein, il est en enfer, comme on va voir, hein. Voilà, dans le hadith de Ubada, hein, dit le cheikh, dans le hadith de Ubada, hein, donc voici la traduction rapprochée de ce qui est dans le hadith, quiconque conquiert alors qu'il ne voulait que le butin, il n'aura donc que ce qu'il avait comme intention. Hein, c'est-à-dire que celui qui sort dans le combat et il veut seulement le marnam, seulement le butin, seulement le ghanima. D'accord? Qu'est-ce qu'il aura? Il n'aura donc que ce qu'il avait comme intention, c'est-à-dire dans son cœur, donc ce qui apparaît, c'est qu'il était avec les musulmans dans la bataille. Mais lui, il voulait seulement le but, hein, seulement la chose terrestre. Hein? D'accord? Donc ça c'est qui c'est cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Toi tu décris donc ce qui est apparent, hein? Telle personne était présente, etc. Mais juger et dire que telle personne, elle est sincère, comme il le dit ici, lui. Kana mukhlisan. Qui c'est cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait l'ikhlas. Hein? Comme aussi, je le mentionne, quelqu'un qui occupe maintenant les gens et qui, malheureusement, donc, il appelle à Allah par l'ignorance, tout simplement. Hein? Il a dit à propos du groupe de Tablir qu'ils sont sincères. Hein? Moi, cette parole, elle m'a révolté et elle m'a interpellé. Hein? Quelqu'un qui s'appelle Qasim Ferenci, hein? Il a dit cette chose aussi à propos du groupe de At-Tablir. Hein? Il a dit, ils sont sincères. Ils sont sincères, c'est, on lui donne les mêmes réponses de Cheikh Najmi, rahimahullah. Hein? Qui c'est ceux-là qui sont sincères ou qui ne sont pas sincères? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on dit qu'ils sont innovateurs. On ne dit pas, donc on ne fait pas ce genre d'éloge à leur égard. Et d'ailleurs, ce sont des éloges qui ne sont pas fondés. Dire qu'ils sont sincères, qui sait s'ils sont sincères ou non? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Nous, on juge ce qui est apparent. Et ce qui est apparent, ils sont égarés. Ils ont emprunté une autre voie que celle de la sunna. Les tablir, le groupe tablir, c'est ceux qui sortent. Ils disent « Khuruj fi sabilillah ». C'est un khuruj fi sabili. Hada al mu'assis de l'hizb qui est Mohamed Ilyas Kandahlaoui. C'est pas un khuruj fi sabilillah. Khuruj fi sabilillah, c'est que tu apprennes la science et que tu transmets dans ta société. Tu transmets parmi les proches et tu transmets, c'est-à-dire autant que tu peux, tu propages la vérité, non pas que tu propages des choses, tes propres opinions. Tu propages les paroles des gens de science, tu propages la vérité, une chose, tu es sûr qu'elle relève de la religion d'Allah, tu la propages. Et non pas qu'on prend ce genre de douas qui font l'appel à Allah par leurs opinions et par l'ignorance surtout. Donc là, le cheikh aussi, il va citer cette histoire, il a dit, et dans l'histoire de l'homme, voici l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dans l'histoire de l'homme qui ne laissait aucune chose, hein, qu'elle soit proche ou lointaine, donc il était vraiment quelqu'un donc qui était en train de faire beaucoup d'exploits dans le champ de la bataille, hein, qui ne laissait aucune chose qu'elle soit proche ou lointaine sans la poursuivre, c'est-à-dire sans poursuivre l'ennemi et le tuer, hein. Alors les compagnons s'émerveillèrent de lui et ils dirent, personne parmi nous n'avait réalisé un exploit meilleur que cet homme. les Sahaba, ils ont dit, personne n'a réalisé un exploit meilleur que ce qu'a fait cet homme aujourd'hui. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, il fait partie des gens du feu, parce que le prophète il a reçu cela par révélation. Hein, par révélation. Bil wahi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Nabba'ahu l'alim ou l'khabir. C'est Allah l'omniscient, hein, et qui est le connaisseur de toutes choses. Hein, il lui a donné cette information. Il l'a informé. Et donc le prophète, il a dit, il est donc au feu. Il fait partie des gens du feu. Ensuite, un homme l'observa. Il observa ce guerrier qui était un héros. Hein? Il l'observa quand il combattait. Il l'observe. Hein? Il l'observe, qu'est-ce qu'il va faire. Hein? Lorsque ses blessures s'étaient accrues, lorsqu'il a reçu une blessure, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se suicider. Il posa l'épée devant son cou et se suicida. Hein? C'est la preuve qu'il n'était pas sincère. Hein? C'est la preuve qu'il n'était pas sincère. C'est pourquoi le prophète a dit il est au feu. Lorsqu'il a reçu une blessure, il n'a pas eu l'endurance et la patience. Hein? Hein? Il n'a pas eu la patience face à la blessure. Il n'a pas supporté. Donc, l'observateur vint en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « J'atteste que tu es le messager d'Allah. »« Ashhadu annaka rasulullah. » Le messager répondit « Et qu'est-ce ?»« Wa madak ?»« Pourquoi tu me le rappelles maintenant ?»« Ashhadu annaka rasulullah. »« Wa madak ?»« Et qu'est-ce ?» Il dit, l'homme, celui qui a observé ce guerrier, il dit « Cet homme dont tu avais dit hier tel propos vient de se suicider. » Se suicider, on n'a jamais connu que quelqu'un parmi les sahaba se suicide. Hein? C'est la preuve que cet homme n'avait pas la sincérité. Hein? C'est-à-dire, proportionnel à ce qu'il était en train de faire comme exploit et comme face aux ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, hein, lève-toi ô Bilal, qum ya Bilal wa azzin fin nas, et annonce aux hommes qu'il ne rentrera au paradis que l'âme, hein, que l'âme qui est croyante. Annahu la yadkhul al-janna illa nafsun mu'mina. D'accord? Hein? Et qu'Allah fait triompher cette religion même par le biais de l'homme pervers. Wa inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Faites très attention à cela. Ne soyez pas dupes. Hein? Parce que parfois même un innovateur il peut soutenir la religion. Parce qu'il y a des gens parfois ils disent tel homme, beaucoup de gens ils sont convertis par sa cause. Ou bien beaucoup de khair il s'est propagé par sa cause. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Hein? Même l'homme pervers il peut soutenir cette religion. Comme le dit le prophète alayhi wa sallam. Wa inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Regardez, faites très attention à ces règles. Ce qu'il y a dans ces paroles des gens de science, c'est des règles. Hein? Et ce qu'il y a, notamment dans la parole donc, de Kitab wa Sunna, c'est des règles. Il faut que le musulman vive avec les règles de Kitab wa Sunna. Hein? Si par exemple quelqu'un il va te dire, mais vous oubliez les efforts d'un tel. Beaucoup de gens se sont convertis par sa cause. Ça, ce n'est pas une preuve. Ça, ce n'est pas une preuve. La preuve, si tu veux me dire, toi, tu dois lire cette personne parce qu'elle a beaucoup d'efforts, etc. Hein? La preuve, c'est que cet homme soit sur la voie de Salaf Saleh, sur la Sunna. Et non pas que tu me dises, beaucoup de gens se sont convertis par sa cause. Ça, ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est qu'il soit sur le Kitab wa Sunna. C'est-à-dire sur la voie du Kitab wa Sunna. C'est-à-dire que lui, hein, il a de la science et il est en train d'œuvrer avec. Alimun, hein, amilun. Et non pas la preuve qu'il a soutenu l'islam, ou beaucoup de gens se sont convertis par sa cause, ou il a une da'wah, beaucoup de gens le suivent. Ça, c'est pas une preuve. Le nombre, hein, n'est pas une preuve. Ce qui est une preuve, c'est al-ilm nafi' wa al-amal salih, c'est de détenir la science du Kitab wa Sunna et d'œuvrer avec. Très bien. Donc là, le cheikh, il a rappelé cette parole du prophète alayhi salam, lève-toi ô Bilal et annonce aux hommes qu'il ne rentrera au paradis, hein, que l'âme qui est croyante et qu'Allah fait triompher cette religion, même par le biais de l'homme pervers. Hein. Fin donc de cette histoire, de ce hadith qui est grandiose. Faites attention à cette histoire et rappelez-vous de cela. Un homme qui combattait avec le messager alayhi salam. Au champ de la bataille. Et le prophète, il dit, il est au feu. Hein? Cet homme, il est au feu. Hein? Très bien. Et la référence de cette histoire se trouve dans l'authentique de Al-Bukhari. Hein? Dans le grand livre, donc après, pour Al-Karim. Asah al-Kutub al-Musannafa. C'est-à-dire les livres écrits et donc qui ont été composés, recueillis par les hommes. C'est Al-Bukhari, c'est Sahih Al-Bukhari, qui est hein, donc un grand livre donc d'un grand savant, hein, de l'émir de Al-Hadith, hein, Amir Al-Muhaddithin, qui est Al-Bukhari, rahmatullah. Le Seyyid conclut en disant, bref, la sincérité, Al-Ikhlas, ne saurait être connue que de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Ikhlas, lorsque quelqu'un va dire, un tel, il est mukhlis. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui poses la question, qui te l'a... Hein, si tu l'as dit, hein, fais très attention à cela, hein, parce que comme cela, des erreurs vont s'infiltrer, hein, et quelqu'un il veut glisser des erreurs. Comme ce que j'ai rappelé tout à l'heure, cet homme il dit de tablir, ils sont sincères. Il dit, on ne doute pas de leur sincérité, de leur ikhlas. Qui te l'a dit? Qui te dit qu'on ne doute pas? Non, moi je doute de leur ikhlas. Ils sont dans l'égarement, comment ils peuvent être mukhlisin? Hein? Et ils sont dans l'égarement, dans ces bidets. Comment quelqu'un qui est mukhlis, hein, et donc on va supposer qu'il va rester dans les égarements, hein, donc toute sa vie. Très bien. Donc nous, donc on juge sur ce qui est apparent. Dans ce qui est apparent, ils sont dans l'égarement. On dit point stop. Donc dans ce qui apparaît, ils sont des égarés. L'ikhlas, c'est Allah qui le connaît. Très bien. Et ils ne seront pas récompensés pour les innovations telles que le khuruj et autres, ils ne seront pas récompensés pour cela, hein, parce que il doit y avoir deux conditions dans l'amal, al-ikhlas wa al-mutaba'a. Très bien. Et le Cheikh il va amener une autre parole de Ibn Jibril pour la critiquer aussi. Pour ce qui est de ta parole, il est monothéiste mouahid. Hein? Fin de citation. Ceci est une attestation de ta part. Hadhihi shahadatun mink. C'est une attestation, d'accord, ceci est une attestation de ta part, hein? Et c'en est une recommandation, que tu dises il est mouahid. Comment il est mouahid alors que nous on a vu qu'il se dirige vers les tombes, on a vu qu'il prétend que le prophète pardonne, hein, l'akhta et les péchés et ainsi de suite, on a vu qu'il dit wahdat al-wujud. On a vu tous ces égarements. Hein? Comment il est mouahid? Subhanallah. Hein? Le Cheikh l'a dit, et ceci est une recommandation de ta part. C'est-à-dire pour Al-Banna. Allah t'interrogera à son sujet. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera au sujet de ce que nous disons. Ce que nous disons doit être conforme au livre et à la sunna. Et ne pas donner une attestation fausse. Un faux témoignage. Shahadat zour. De témoigner sur le faux. Qui te l'a dit? Qui te dit qu'il est mouahid alors que tu sais qu'il se dirige vers les tombes? Vers les tombes de qui? Hein? Donc qui sont exploitées par des sorciers. Hein? Par des sorciers. Comment il est mouahid? Comment un mouahid il va faire cela durant sa vie? Durant une longue période de sa vie, il se dirige vers les tombes. 20 km d'aller, 20 km de retour. Hein? Un mouahid, ça. Comme le Cheikh il va lui rappeler. Allah t'interrogera au sujet de cette recommandation que tu donnes. Hein? Il te fallait réfléchir avant de la déclarer. Il fallait réfléchir avant de parler. Hein? Il fallait réfléchir avant de déclarer cette shahada, cette tazkiya. Hein? Avais-tu mis cette recommandation à bon endroit ou non? Il fallait voir. Est-ce que cet homme mérite que tu attestes qu'il est mukhlis mouhid ou non? Je ne sais pas si tu ignores ce que Al-Banna avait commis d'association. Hein? Sa négligence envers les actes des associateurs. On a vu qu'il a donné une conférence même au sein donc, du temple de Sayyida Zainab. et que lui, il n'a pas parlé de al-shirk. Il était en train de leur parler de l'akhlaq, hein, et de takhlis nufus min al-hiqd wa min al-dara'in. C'est-à-dire d'épurer leur cœur de la rancœur et de l'hasad, et donc de la haine, hein, et donc de la médisance et de ces choses. Hein, il n'était pas en train de d'être révolté face à al-shirk. Le musulman ne doit pas s'arrêter devant al-shirk. Il doit réfléchir comment le corriger. Hein? C'est-à-dire lorsque tu vois que quelqu'un il porte une tamima, ou bien quelqu'un il fait un acte de al-shirk ou une chose, tu essaies de lui faire parvenir une nasiha. Tu ne vas pas donc fermer l'œil sur cela. C'est comme cela qu'on doit corriger petit à petit les choses. Hein? Sinon, si on va fermer l'œil même sur al-shirk, hein, ça c'est grave. Hein, ça c'est grave. D'accord. Et donc le cheikh il a dit, hein, je ne sais pas si tu ignores ce que Al-Banna avait commis d'association, sa négligence envers les actes des associateurs et qu'il les accepte comme membres dans sa voie, dans son hizb. Il les accepte. Ils acceptent même le mushrikin dans son hizb. Il accepte le rawafid. Il accepte les chrétiens. Hein, il les accepte dans sa voie. Hein? Accepter des mushrikin dans sa voie. Est-ce que le prophète il a accepté des mushrikin, hein? Donc faire partie de son c'est-à-dire des siens de ses, donc parmi ses amis, ça c'est faux, hein? Le prophète n'a pas fait cela, n'a pas procédé ainsi, hein? Donc il continue en disant, c'est bien lui, c'est-à-dire Al-Banna, qui chantait lors de la célébration innovée de la naissance du prophète, hein? Voici la traduction donc des sens de ces vers. Voici le bien-aimé qui assiste avec les aimés, il pardonne à tous, hein, ce qui s'est passé et eu lieu. Lorsque tu dis cela aux ignorants, tu leur dis que le prophète il vous pardonne. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont donc ils auront le rouleau à l'égard du prophète. Ils vont dire que c'est le prophète qui nous pardonne, hein, et c'est le prophète qui est, hein, c'est-à-dire nous on doit nous dire, ils vont dire ces ignorants, on va nous diriger ou diriger nos œuvres pour le prophète parce que c'est lui qui va faire shafa'a pour nous et qui va faire ceci. Hein? Donc là, il est en train de lier les gens, hein, à diviniser le prophète. Il est en train donc de faire que les gens vont diviniser le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est en train de leur dire qu'il pardonne les fautes, hein, qu'il pardonne les erreurs. Wallah al-musta'an. Très bien, donc le cheikh il continue, cela veut dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam assiste à leur cérémonie, voici un premier mensonge, la bénit, hein, qu'il agrée cela, c'est bidah, le messager alayhi wa sallam, subhanallah, hein, la bénit, leur pardonne et absout leur péché, ça c'est plus grave, c'est-à-dire qu'il pardonne, c'est-à-dire que c'est lui qui détient le fait de pardonner les erreurs, maghfirat khataya lil ibad. Hein? Ceci est-il de l'association ou non? Le cheikh pose la question à Ibn Jabrin. Est-ce que cela fait partie de al-shirk ou non? Hein? Ceci est-il de l'association ou non au cheikh, c'est-à-dire s'adressant à Ibn Jabrin. Et est-ce que celui qui le profère ou le chante est un monothéiste? C'est-à-dire quelqu'un qui chantait ces choses. Chanter une chose, c'est lorsqu'on est imprégné par cette chose. Et je vous... j'ouvre ici une petite parenthèse, peut-être on peut y revenir. Faites attention, dans les chansons que les gens disent, il y a beaucoup de shirk. Moi j'ai remarqué dans certaines choses que les gens disent en arabe, il y a du shirk. Il y a du shirk dans certaines chansons, hein, donc en langue arabe. Hein, il y a du shirk et il y a des choses graves, hein, dans des chansons en langue arabe. Il y a l'opposition à Al-Qadar et il y a du shirk. Donc, il y a des exemples qui me viennent à l'esprit, mais je ne veux pas m'étaler maintenant sur cette parenthèse. Il y a du shirk que j'ai constaté lorsque des gens disent des choses, c'est-à-dire qui relèvent des paroles de la chanson. C'est pourquoi il s'agit de fermer cette porte. Allah, il a interdit la musique. Alhamdulillah, nous, on ferme cette porte. Hein? Nous, on a beaucoup de choses à apprendre. Hein? Nous on vit avec les gens de science, on écoute les gens de la science, on écoute le Coran al-Karim, on écoute donc les paroles des savants, hein? Comment on va avoir le temps pour écouter ces choses qui n'ont aucun sens, hein? Des chansons et ainsi de suite, alors que c'est interdit, Si le musulman il a du temps, il qu'il lise l'ash'ar, qu'il lise qasaïd, les poèmes, la belle poésie arabe, hein, qu'il lise donc la poésie où il y a la sagesse, surtout la poésie qui est écrite par des savants, hein, tels que Mandomat al-Ilbiri, tels que les écrits de Abil Atahiya, et tels que donc beaucoup de donc d'écrits qui contiennent la sagesse, tels que jusqu'aux poèmes de An-Najmi et les poèmes de Zayd al-Madkhali et les autres. Donc, qui sont des contemporains. Hein? Ahmed Najmi, il a de très beaux poèmes donc dans la réfutation du socialisme et le communisme, Chirakia. Il a de beaux poèmes dans la réfutation de ses idéologies. Le Cheikh Najmi, auquel nous sommes en train donc de lire cette épître, il a de la poésie. Si nous, on veut lire de la poésie, qu'on lit cette poésie qui nous apprend des choses. Il est en train de critiquer, de détruire cette idéologie du socialisme, hein, il est en train de la détruire. Hein? Comment nous on va laisser le bien et aller vers des choses qui n'ont disent par des chanteurs, par des compositeurs de paroles de la chanson, qui n'ont pas de profondeur ni rien. Hein? Et on écoute ces choses alors que, comme j'ai dit, Wallah el Adim, j'ai constaté un shirk dans ces paroles, hein, dans les paroles de beaucoup de chansons. Très bien. Donc là, le cheikh il a dit. Est-ce que celui qui chante ces choses, il est un monothéiste? Et est-ce que celui, hein, qui prend l'allégeance pour la voix al-Husafiya, al-Shadhiliya, est un monothéiste? Celui qui s'engage dans cette voie de soufisme, est-ce que c'est un monothéiste? Subhanallah. Pour toi, les soufis sont donc des monothéistes. Hein? Et ils appellent au monothéisme. Ou bien sont ceux des polythéistes et qui appellent à l'association et aux innovations. C'est-à-dire les soufis, hein? C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à ce point de relou, hein? Qu'ils vont jusqu'à ce point donc de al-relou, hein? Est-ce que ce sont des monothéistes? D'accord, dit le cheikh. Ne sais-tu pas que le soufisme est fondé sur l'association? Le soufisme, en réalité, il est fondé sur l'association, sur le wataniya, comme avait écrit al-allama Muhammad Aman bin Ali al-Jami, rahimahullah, hein? Un grand savant, hein? Originaire de l'Éthiopie, rahimahullah ta'ala. Le cheikh Jami, il a écrit un article où il dit que le soufisme, c'est donc une manifestation du paganisme, de al-wataniya, de l'adoration des objets. Ce qui est très répandu en Afrique, mes frères. Nous, on doit combattre cela. On doit combattre ces autan et cette wataniya parce que nos messagers, notre messager et les messagers qui l'ont précédé, ils sont venus pour cela, pour combattre l'autan. Et pour combattre Ash-Shirk, le polythéisme. Donc nous, on doit faire cet effort dans ce sens. Et si on fait cet effort, nous sommes sur la bonne voie vraiment. Si on combat Ash-Shirk avec les preuves, avec la science, tout en amenant les paroles de Kitab et de la Sunna, donc dans les endroits, et pour critiquer ces choses. Et surtout pour combattre ces manifestations de Ash-Shirk, hein, donc là, ça sera, hein, donc une belle da'wa vraiment. D'accord. Donc là, le cheikh, il a dit, hein, ne sais-tu pas que le soufisme est fondé sur l'association et que sa charpente et son filament, hein, luhmatuhu wa yani shahmuhu wa luhmatuhu, hein, sont tissés sur le polythéisme et les innovations. Le soufisme, il est bâti sur cela, sur, hein, l'association et sur les innovations. D'accord. Hein, ne sais-tu pas que Hassan al-Banna marcher à pied 20 km d'aller et également de retour chaque vendredi en vue de visiter les tombeaux des charlatans soufis comme Ad-Dassouqi, Sinjar et leurs semblables. Est-ce qu'un monothéiste va faire une telle chose? Subhanallah. Hein? Est-ce qu'un monothéiste va faire une telle chose? Et à propos de cela, il ne faut pas comprendre que cela est un takfir donc du cas particulier. Hein? Le cheikh Najmi, il a souligné dans les notes de bas de page que sa parole ne doit pas être prise comme un takfir de Hassan al-Banna nommément. Non, il n'a pas dit que Hassan al-Banna il est kafir. Il a dit, celui-là, il ne faut pas attester pour lui de al-Tawhid. Il faut dire, voilà, c'est un homme qui a fondé un groupe égaré, etc. Mais venir lui attester al-Tawhid, nous on conteste, on dit, voilà ce qu'il faisait. Vous voyez la nuance, les frères. Hein? Il dit, moi je ne dis pas qu'il est mécréant. Hein? Mais je me pose à ta Shahada de Az-Zur, que tu es en train d'attester pour lui et de le défendre de n'importe quelle manière. Tu es en train d'attester, moi je dis, voilà, je rappelle ces faits. Je rappelle ces faits. Ceci dit, je n'ai pas prononcé, c'est-à-dire, d'avis sur le cas particulier, parce que les gens de la Sunna, ils séparent entre, hein, c'est-à-dire, man waqa'a fil kufri wa man waqa'a al kufru alayh. Hein? Celui qui commet le shirk n'est pas nécessairement un mushrik. L'homme peut se tromper. Il peut avoir des excuses, il peut avoir des choses. Mais le shirk, il est en train de lui rappeler cela, ce premier plan. Le deuxième plan, est-ce que cela, il le mérite ou non? Ça appartient à Allah. Nous, on n'est pas concernés par cette chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger des serviteurs. Très bien. Est-ce que celui qui agit de la sorte est monothéiste, hein? Oh, cher, crains Allah, et sache que tu avais entamé ton monothéisme, hein? Comment toi, c'est-à-dire qu'il y a de la science, qui détient de la science, hein? Tu vas défendre des gens d'innovation, hein? Tu avais entamé ton monothéisme et lui avais porté atteinte avec ton témoignage pour des associateurs et des innovateurs. Hein? En témoignant pour donc cette secte de soufisme et ce mélange des frères musulmans en la défendant, tu es donc en train donc de mettre en danger ton monothéisme. Hein? Repends-toi à Allah et retourne à lui avant qu'il ne soit trop tard. C'est un conseil que le cheikh est en train de dire franchement. Hein? Franchement, il est en train de donner une nasiha franche. Parce que la nasiha doit être franche. Dire ce qu'il y a à dire. Et non pas donc le moujamalat, c'est-à-dire les complaisances et donc complimenter et donc fermer l'œil sur certaines choses. Il est en train de lui donner le conseil avant qu'il meure. Maintenant, Ben Zubrin aussi, il est mort, ainsi que Cheikh Najmi. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous. Très bien. Le Cheikh il a dit, cependant le prédicateur monothéiste était Muhammad Ben Abdel Wahhab. Hein? Si tu as à défendre, si tu veux défendre et présenter aux gens un modèle, voici un modèle, Muhammad Ben Abdel Wahhab. Il est connu comme un da'iya monothéiste. Un da'iya mouhid, ou Muhammad Ben Abdel Wahhab. Hein? Voilà. Est-ce qu'il faisait ce que faisait Ben? Non, il a fait tout autre chose. Il était derrière les prophètes. Il était en train de revivifier la sunna du messager. Il était en train de faire propager tawhid. Hein? Il a fait propager tawhid. Hein? Le prédicateur monothéiste, hein, était Cheikh Mohammed Ben Abdel Wahhab. Et ceux qui suivirent sa voie parmi les savants et les gouverneurs de son époque et depuis l'ère, hein, de Mohammed Ben Saoud jusqu'à aujourd'hui. Rahimahumullah. Hein? Donc Mohammed Ben Abdel Wahhab et Mohammed Ben Saoud, rahimahullah, le savant et le roi, ils ont mis la main dans la main, ils ont œuvré pour propager le tawhid et pour détruire le shirk. Et c'est pour cela que les mushrikin rawafid les détestent. Hein? Rawafid, les chiites rawafid, et les imamites, et les nusayri, ils détestent ces gens. Ils disent l'wahhabiyya. Hein? Ils disent l'wahhabiyya, c'est parce que eux, ils détestent le tawhid. Wallahi al-azim al-rawafid yakrahuna al-tawhid. Hein? والله العظيم الروافد يكرهون يبغضون التوحيد il déteste le monothéisme. C'est un Mohammed Ben Abdel Wahhab, voici ses écrits, ne sont pas longs, hein? Ce ne sont pas beaucoup d'écrits, vous allez dire on n'a pas pu les lire pour savoir quelle est la voix de cet homme. Voilà, ses écrits sont des rasaïls que vous pouvez lire en quelques jours, hein? En quelques jours, et nous dire où se trouve le problème que vous reprochez à cet homme. C'était un da'iya de At-Tawhid. Un da'iya de At-Tawhid qui a composé notamment Kitab At-Tawhid. Qu'il a composé avant d'atteindre l'âge de 20 ans. Hein, avant d'avoir 20 ans, il a composé Kitab At-Tawhid, qui est un grand livre. Hein, les savants ne cessent de l'expliquer et de le réexpliquer. Hein, Kitab At-Tawhid. Hein, ils ont dit, les savants, les gens de science, ils ont dit, ce livre, il est sous le... Il ressemble au souffle qui est de Al-Bukhari, qui est dans Sahih al-Bukhari. Parce que dans Kitab Tawhid, qu'est-ce qu'il te dit? Qala Allah, qala Rasulullah. Fihi masail. Il y a des questions là-dessus que tu dois étudier. Hein? Kitab Tawhid. Il ne va pas te dire, moi je pense. Moi je vois comme font ces théoriciens. Il va t'écrire un livre de 1000 pages. Il va donc, pour embrouiller le lecteur. Et le jeune, il va dire, ah tiens, il écrit beaucoup. hein, tels que ces égarés de l'Ikhwan Muslimin, et donc aussi quelqu'un qui est donc chez nous, Abdelham Yassin, hein, donc qui est le fondateur de l'Adlul Ihsan, c'est les Ikhwan qui sont ici au Maroc, hein, l'Ikhwan Muslimin. Donc là, il écrit des livres comme ça, de 600 pages, de 700 pages, où il n'y a rien. Où il n'y a que moi je vois, etc. Il n'y a que le soufisme, il y a les égarements. Alors que Mohamed bin Al-Wahhab, il a donné des choses utiles à l'atfal, hein, ta'lim, as-sibyan, tawhid, pour les enfants, ta'lim, talqin al-ammati, hein, talqin al-aqida lil-amma, ou talqin al-tawhid lil-amma, hein, c'est-à-dire pour la masse, et ainsi de suite, des épîtres très courtes, etc., mais très bénéfiques où il y a les arguments pour, hein, donc vivre sur At-Tawhid bi-idnillahi ta'ala. Donc là, le cheikh lui dit, si tu avais à citer un da'iya de Tawhid, pourquoi oublier Mohamed bin Al-Wahhab? Tu vas dire, voici le da'iya de At-Tawhid. Hein? Donc là, le cheikh, hein, il lui a rappelé cette da'wa de Mohamed bin Al-Wahhab, hein, ainsi que de l'émir Mohamed bin Saoud, rahimahumullah ta'ala. Hein? Il a dit, le cheikh, qu'Allah ait en miséricorde ceux qui étaient décédés et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie. Hein? Parce que les gens qui sont encore en vie, que ce soit du côté des savants ou que ce soit du côté de ces émirs, ils sont en train de soutenir Tawhid. Hein? Ça c'est indéniable. Et celui qui renie cela et qui renie cette haqiqa, cette vérité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Tawhid. Hein? Qui ne connaît pas Tawhid et qui a été confondu par des choubouhats, malheureusement. Des gens qui soutiennent At-Tawhid. Hein? Des gens qui soutiennent At-Tawhid et qui le propagent. Hein? Et qui le propagent face aux idéologies perverses de Al-Ikhwan et face aux idéologies, hein, donc de Al-Rawafid, et face aux idéologies qui veulent corrompre la Umma. Hein? Il s'agit de s'opposer à Al-Mad al-Shi'i, à Al-Mad al-Ikhwani, hein, dans la Umma. Et donc non pas se tromper d'ennemis et venir combattre les gens qui propagent At-Tawhid wa As-Sunnah. Très bien. Et le cheikh, il a dit, et le prédicateur est al-Sheikh Abdallah al-Qara'awi. Voici un autre da'iya qui est ici, hein, presque contemporain à Mohamed bin Al-Wahhab. Hein. Le prédicateur, c'est Abdallah al-Qara'awi, hein, qui diffusa le monothéisme au sud. Qu'Allah l'ait en miséricorde avec l'assistance du roi décédé, surnommé l'aigle de l'île, Saqr al-Jazira. Hein? Voici un autre da'iya qui était au sud de l'Arabie et qui a propagé le tawhid. Hein? Abdel al-Qara'awi, il est connu aussi comme un grand da'iya du tawhid. Hein? Qui avait pacifié la plupart des confins de l'île, hein, c'est-à-dire l'aigle de l'île, Saqr al-Jazira, hein, sous son pouvoir, et l'avait unifié sous son règne. Il y avait effacé les signes d'association et d'innovation. Maha atar al-shirk wal-bida'. Hein? Le da'iya de At-Tawhid, c'est celui qui va venir et il va détruire al-da'wa de al-mushrikin. Est-ce que Al-Banna il a détruit le shirk qui était en Égypte? Hein? Al-Banna n'a pas détruit le shirk qui était en Égypte. Il l'ignorait peut-être même. Il s'est rendu dans ces lieux. Il a c'est-à-dire assister avec ces gens sans, c'est-à-dire critiquer cela par un seul mot, hein, sans se révolter contre cela et sans critiquer cela par un seul mot, wallah al-musta'an, ou bien par une seule lettre, bi harf wahid, wallah al-musta'an. Très bien, le cheikh l'a dit, ces enfants généreux, c'est-à-dire ceux qui sont venus après, c'est-à-dire ce da'i Abd al-Qara'awi et Saqr al-Jazira, hein, ses enfants généreux continuèrent sur la même piste que lui, qu'Allah ait en miséricorde ceux qui sont morts et qu'il préserve ceux qui sont encore vivants. Hein. C'est-à-dire, voici da'wa de At-Tawhid. Le musulman doit connaître cette da'wa et connaître ces gens et avoir l'alliance pour ces gens. Et non pas comme font ces égarés, hein, qui critiquent, hein, Salafiyin, qui critiquent la da'wa de Salafiyin. Et ils sont en train de mettre la main avec les laïcs, avec les rawafid, avec n'importe qui, tel que ce que font l'Ikhwan, les musulmans, et les soufis et les autres. Hein? Hein? Très bien, le cheikh l'a dit, je te demande par Allah, ô cheikh, si un questionneur te demande, voici des questions. Hein? Si quelqu'un il va te demander par téléphone ou il demande une fatwa, Il te pose cette question. Que dites-vous d'un individu qui marche dans un convoi depuis le premier Rabi al-Awwal jusqu'au 12e jour, c'est-à-dire de ce mois, depuis le premier jusqu'au 12, il est en train de marcher, tout en chantant gaiement les vers que j'avais déjà cités, parmi lesquels il y a celui-ci. Il est en train de marcher dans ses convois, fi'adil mawakib, dans ses marches, il est en train de psalmodier ce vers. Voici le bien-aimé qui assiste avec les aimés, et il pardonne à tous ce qui s'est passé et qui eut lieu. Est-ce que tu juges que c'est un associateur ou bien un monothéiste? Quelle serait ta réponse? Si quelqu'un il te demande, c'est-à-dire cette question, il te pose cette question. Est-ce que celui qui agit comme ça, c'est-à-dire on parle maintenant du cas général, est-ce que celui qui agit comme cela, c'est un monothéiste ou bien un associateur? C'est un associateur, celui qui agit comme ça, qui va dire que c'est le prophète qui pardonne les erreurs des hommes. Ça c'est shirk, ça c'est un mouchrik qui prononce ces choses. D'accord? Et si un questionneur, voici une deuxième question, et si un questionneur te demande quel est le statut d'un homme qui supporte la peine de voyager à pied chaque semaine une distance de 20 km jusqu'au tombeau des soufis, puis il revient chez lui de la même manière, c'est-à-dire à pied, et le questionneur demande, voici la question précisément, quel jugement tu lui donnes? Est-il sunnite ou innovateur? Est-il monothéiste ou polythéiste? Celui qui va se rendre vers les tombes. Comme cela, avec cette distance, est-ce qu'il est sunnite ou innovateur? Est-ce qu'il est monothéiste ou associateur? Pour le moins, c'est un innovateur. Pour le moins, c'est un innovateur. Parce que cette visite, ou bien c'est une innovation, ziyara bid'iya, ou bien c'est une ziyara shirkiya. Il se rendait là. Ou bien prétendre qu'en se rendant là, ses œuvres auront une récompense, etc. Ça, c'est une bid'a. Ou bien il pensait que ces gens, ils ont un pouvoir véritable qu'ils détiennent, c'est-à-dire d'assouk et ainsi de suite, c'est awliya qu'ils prétendent. Et donc là, ce sera un mouchrik dans ce cas, s'il avait cela dans le cœur. Allahu alam. Très bien. Le cheikh, il a dit... voilà. Est-il monothéiste ou polythéiste? Crains Allah donc. Ô l'homme, reviens à ta justesse. Repends-toi à Allah, car il accueille le repentir. C'est un conseil. Toub ilallah. Lorsque quelqu'un aussi, il te dit, ittaqillah, toub ilallah, ne prends pas cela comme une injure. Toub ilallah, nous donc le toubou ilallah. Allah Azza wa Jalla nous a donc ordonné, ya ayyuhalladhina amanu, toubou ilallah tawbatan nasuha jami'an, asa rabbukum an yaghfira lakum. Oh vous qui avez cru, repentez tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Toub ilallah, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. N'égare pas les hommes, et surtout les étudiants de science, par ta défense des innovateurs. Parce que si tu vas égarer quelqu'un, ce sera dans ton dos aussi. C'est grave, c'est sérieux, c'est sérieux. Il ne s'agit pas donc de se crisper et de prétendre des choses et de défendre le batil. Et donc dans le jour du jugement, tu vas regretter. Non, il s'agit d'être avec les gens de la sunna et d'être avec les choses claires. Nous, on appelle à at-tawhid, tu appelles à at-tawhid. Si tu commets une erreur, tu dois revenir de ton erreur. Minh al-Salafi, il apprend aux gens, c'est-à-dire de connaître leur rang et de revenir toujours à l'haq et d'aimer l'haq, non pas donc de défendre leur propre personne. Très bien. Cette expédition que Hassan al-Banna et ses copains faisaient ne déroge pas à l'un de trois, ne déroge pas à l'un de trois cas. Cette expédition, ce qu'ils font. En se dirigeant vers les tombes. C'est l'un de trois cas. Soit ils ont l'intention de demander à ses enterrés, Habil Maqbourin, soit ils sont en train de demander à ses enterrés, sont en train de s'adresser à ses enterrés, et ceci est une association majeure qui est exclue de la religion. Hada shirkun akbar mukhrij min al-milla. Ça c'est le premier cas. Ou bien ils sont en train de s'adresser à ces gens, de yas'alunahum hawa'ijahum, et ainsi de suite. Ça c'est un shirk akbar mukhrij min millah. Deuxième cas, soit ils ont l'intention de faire l'invocation là-bas précisément, près de ses enterrés, et ceci est une innovation. Hein? D'accord? Comme on a dit tout à l'heure. Soit ils se dirigent là parce qu'ils pensent que cet endroit, lorsqu'on invoque Allah, hein, dans cet endroit, près de ces tombes, de ces gens, hein, peut-être qu'il y a une chassissa, il y a une particularité. Hein? Il y a une particularité. Il n'y a pas de particularité, donc ça c'est une innovation. Ils ont prétendu quelque chose dans la religion qui n'a pas de fondement. Ça c'est une innovation. D'accord? Ça c'est le deuxième cas. Ou bien ils visent la visite sunnite. Mais elle ne se fait pas là, elle ne se fait là qu'au moyen d'un voyage. La visite sunnite, c'est lorsque toi tu vas visiter donc un cimetière dans ton village ou dans ta campagne, tu vas visiter un cimetière pour, c'est-à-dire, te rappeler et pour donc t'éloigner un peu donc de la cupidité vis-à-vis de la chose terrestre, de la dunya. Tu vas te rappeler la mort, comme le prophète alayhi sallam il disait. Akthiru min zikri hadi milladas. Rappelez-vous souvent de celui qui vient détruire les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Rappelez-vous de cela. Nous, on doit de temps en temps, hein, donc nous rappeler de la mort. Et aussi, non pas de temps en temps, mais souvent, comme dit le prophète, akthiru. Hein, et aussi, donc, essayer de temps en temps de visiter un cimetière pour le rappel. Parce que ces choses, elles restent dans la mémoire et on se rappelle et on retourne. Hein? Parce que deux choses vraiment font al-wa'd pour la personne, c'est al-Qur'an al-Karim et c'est donc la mort. Al-wa'idan. Deux choses qui exhortent les gens, c'est la mort. Hein? Lorsqu'on parle de la mort, lorsqu'on se rappelle donc les hadiths et les textes qui concernent la mort, lorsqu'on se rend dans ces lieux, hein? Le cimetière par exemple, et aussi en lisant le Coran Karim, c'est une grande mou'ida pour nous. Hein? Donc là, ici la visite, cette visite que faisait le Benna n'était pas une visite sunnite, hein, mais était une visite qu'il n'entreprend que par un voyage. Hein? Or, entreprendre une visite sunnite par le moyen d'un voyage est également une innovation. Shadd al-rihal ila hadhihi al-masafat al-tawila al-ba'ida. Ça c'est une innovation. Ça c'est une innovation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la shadd al-rihal illa ila thalath masajid. Il a mentionné les trois masajids, celui de la Mecque et celui de Médine et celui de Al-Aqsa. Hein, sont ces mosquées qu'on peut visiter par un voyage. Mais visiter le Qabr Dassouqi wa Sinjer wa had smitou had maqbourin qui sont là-bas en Égypte, les visiter par le biais d'un voyage, c'est une innovation. C'est une innovation au moins. D'accord? Hein? Et il en résulte qu'il serait ou bien un associateur ou bien un innovateur. Hassan al-Banna imma annahu mushrik wa imma annahu mubtadi'. Hada la ya'ni la ghubara 'alayh. Ça c'est une chose, c'est-à-dire indéniable. Il était ou bien un mushrik, un associateur, un polythéiste, un polythéiste, ou bien il était un innovateur mubtadi', hein? Pour le moins, il est mubtadi'. Et relativement à ta parole, hein, Allah avait fait profiter de son prêche. Voici la chose que quand même certains disent, tel prêcheur, même les contemporains, Allah n'a fait aber, Allah a fait profiter de son prêche. Ça, c'est pas un délit. Comme on a lu tout à l'heure, Inna Allah la yansuru hada din bir rajul al-fajir. Allah fait triompher cette religion même par le pervers. Même le pervers, il soutient la religion. Hein? Par certains mots. Comme celui qui était en train de combattre avec les Sahaba. Hein? Alors que c'est Allah qui connaît, hein, son intention. Très bien. Et relativement à ta parole, Allah avait fait profiter de son prêche et avait guidé beaucoup de gens, hein, à cause de lui. Hein? Fin de citation. Hein? Cheikh Najmi dit, je dis, quel est le profit qu'ils avaient réalisé? Hein? Quel est le profit que ces jeunes ils ont profité? Quel est ce profit? Qu'est-ce qu'ils ont gagné de cette da'wah de l'Benna? Quel est ce... Tu les sors du péché et tu les fais rentrer dans le bid'a. Certes, tu les fais sortir de l'maqahi et de l'hanat, des péchés. Tu les fais sortir des péchés. Il était en train donc de boire, de fumer, c'était un délinquant par exemple. Mais par la suite, tu vas le rendre un membre de ton groupe, un révolutionnaire, et un grand innovateur vraiment, un grand innovateur. Je dis, il a dit, quel est le profit qu'ils avaient réalisé? Est-ce celui de fermer l'œil sur l'association majeure et de se taire sur ses acteurs superstitieux et innovateurs? Est-ce que ça c'est un profit que le jeune, lorsqu'il rallie ce mouvement, le jeune ne va pas parler de At-Tawhid, ne va pas parler de son opposé qui est Ash-Shirk, ne va pas propager la Sunna, ne va pas donc critiquer la Bid'a. Ça c'est un profit. هذا يعني سبحان الله هذا ذل هذا ذل ان المسلم يقدر يتكلم على الشرك وعلى وعلى البدع هذا ذل ça c'est vraiment une grande humiliation que le musulman n'ose pas critiquer al-shirk et n'ose pas critiquer les innovations et il vit avec un groupe bid'i comme Tablir ou comme l'Ikhwan ou comme les groupes les soufis ou ash'ari etc. Il vit avec les innovations. Pour lui, les innovations, c'est pas un problème. Hein? Ça, c'est vraiment, vraiment hawan ou zul, vraiment un rabaissement et une humiliation pour la personne. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Se taire, donc c'est-à-dire les acteurs de la superstition et de Ash-Shirk et des innovations. Est-ce le fait, de se taire face à une chose blâmable, ne pas l'interdire, tout en se référant à la règle de Hassan al-Banna qui stipule « Entrez dans nous, je cite, entrez dans nous dans nos points d'accord et excusons-nous nous les uns les autres sur les points de divergence. » Parce que lui, il a mis cette qaïda. Pas de critique. Pas de critique. « Yakrahoun al-naqd » parce qu'ils sont faibles. Ils n'aiment pas la critique parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils sont pleins de failles et d'erreurs et d'égarements, ils vont interdire la critique. Ils vont dire, نتعاون في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه. Ça y est, pas de critique. يعذر بعضنا بعضا. Nous allons nous excuser les uns les autres quant à nos points de divergence. C'est pourquoi il n'est pas la critique. D'accord? Vous voyez? Donc c'est une méthodologie qui va apprendre aux jeunes quoi? À fermer l'œil sur le munkar. Alors que Allah Azza wa Jalla, comme le prophète, comme donc le cheikh il a rappelé tout à l'heure dans une séance précédente, peut-être la dernière, Allah, il a fait l'éloge de cette umma parce que cette umma elle fait quoi? Al-amr ma'ruf wa nahy 'an munkar. Allah subhanahu wa ta'ala قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens parce que quoi? Vous ordonnez le convenable, le ma'ruf, ce qui convient, le convenable. Et vous critiquez le blâmable, vous réprimandez le blâmable. Et vous croyez en Allah, c'est-à-dire la croyance, l'atiqad, ce qui nous distingue par rapport au polythéisme. Donc voilà, lui, il a mis cette qaïda khatira. Cette qaïda khatira, c'est très difficile de poser une règle et de dire que cela fait partie de l'islam. Taqid, qawa'id, subhanallah. Donc, des siècles et des siècles nous ont précédés, et lui, il vient et il met une qaïda, comme si c'était vraiment un génie. Mettre une qaïda, c'est très difficile. Lui, il a mis une qaïda batila ici. C'est-à-dire qu'il va faire qu'on ne critique pas. On s'excuse les uns les autres sur les fautes. N'importe quelle soit l'erreur, on s'excuse. Subhanallah. Non, nous, on se conseille. Pourquoi on s'excuse? On se conseille. Si la faute elle est de ce genre, voici ce qu'il convient de faire. Si elle est de ce genre, donc les fautes ne sont pas sur un même plan. Eux ils mettent les fautes comme si c'était donc sur un même plan. Très bien. Le cheikh il pose la question. Ceci est-il un bénéfice, un profit? Ceci est un profit? Est-ce l'appel à un califat et le délaissement de l'appel au monothéisme qui est pourtant la voie des messagers? Qu'est-ce que les jeunes ils ont profité? Ils ont profité de s'engager dans une piste de bâtir le califat, le khilafa. Hein? Comme maintenant ils ont mis dans les esprits des jeunes, les Daïchiens. Hein? Les Daïchiens, chiens. Hein? Ils ont mis dans leur, on va vous bâtir le califat, finalement. Wallahi, si on n'appelle pas au tawhid, il n'y aura pas cela. On doit appeler au tawhid jour et nuit. Hein? On doit appeler au tawhid jour et nuit. Et c'est Allah qui corrobore le reste. C'est Allah qui sait quand c'est ce que les gens ils méritent, donc une daoula, un état, et ainsi de suite. Nous, on appelle à At-Tawhid. Notre messager, il appelait At-Tawhid. Hein? Nous, on n'appelle pas à un califat. Nous, on appelle à At-Tawhid. Hein? Nous, on appelle à At-Tawhid. Si on va appeler à At-Tawhid, hein, le reste, il est très facile. Il est plus facile. Hein? Mais si nous, on ne peut pas combattre le shirk. On ne peut pas combattre même les innovations. Comment on peut espérer le khilafa, ouais? Subhanallah. Yani, ils font vivre ces jeunes dans des rêves. Il est en train de rêver pendant le jour. Hein, un rêve, donc il est éveillé, il est en train de rêver. Wallah al-Azim. Wallah al-Azim. Le musulman doit être lucide sur la méthodologie de son prophète. Il est en train de suivre son prophète. Il n'est pas en train de suivre quelqu'un sur le net, etc. Il va donc le tromper. Hein? Il va le tromper par des slogans de At-Takfir, des slogans de le califat, et ainsi de suite. Hein? D'accord, hein? Parce que ça, c'est une kalima haq, yurad biha batil. Le califat, c'est un slogan qui trompe les jeunes. Hein? Non, nous, on est derrière notre messager. On connaît bien, alhamdoulilah, avec donc après donc le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dirigé vers les grands savants qui ont un grand bienfait sur nous. Ils nous ont expliqué que donc nous on appelle à at-tawhid, on appelle à la sunna. Hein? Donc le reste il est facile. Très bien. Donc là le cheikh il a dit, est-ce l'appel à un califat et le délaissement de l'appel au monothéisme? Hein? Regardez que ce sont deux choses qui s'excluent. Benna, puisqu'il a appelé au califat, il délaisse l'appel au tawhid. Est-ce qu'il peut appeler à tawhid tout en appelant au califat? Est-ce qu'il peut appeler à tawhid tout en appelant au sectarisme? Est-ce que quelqu'un qui est en train d'agir comme ça, d'avoir un parti et il veut que les gens votent pour lui, est-ce qu'il va appeler à tawhid? Il ne peut pas appeler les gens à tawhid, ils vont fuir. Regardez la da'wa salafia. Peu de gens rallient la da'wa salafia. Parce que tu es en train de bousculer les gens dans leurs croyances. Tu es en train de dire aux gens, voici la voie de vérité. Tu n'es pas en train de raconter aux gens des histoires. Tu n'es pas en train de faire vivre les gens dans des rêves. Hein? Tu n'es pas en train de promettre aux gens des postes. Le prophète n'a jamais promis à un sahabi qu'il va lui donner un poste s'il va se convertir. Hein? Comme on va voir dans le livre magnifique écrit par l'allama Rabi' al-Madkhali et résumé par l'un de ses grands tolèbes qui est Sheikh al-Alim Abu Abd al-A'la. Le prophète n'a jamais promis un poste à un sahabi. Il les appelait à At-Tawhid. Il a demandé de déchausser des choses et il a dit, et moyennant cela vous aurez le paradis. Moyennant cela vous n'aurez pas un poste terrestre. Comme les Hizbi, ils veulent maintenant occuper des postes terrestres. Ils veulent monter sur les belles voitures. Et il rêve des villas, il rêve des choses, etc. Il rêve de ses postes, etc. Et donc de l'Hassan al-Barlamani, l'immunité parlementaire et ces choses, etc. Et donc d'avoir ses postes et avoir les richesses ici sur terre. Hein? Le prophète n'a jamais promis ces choses à ses compagnons. Il a appelé à At-Tawhid. Hein? Lorsque les Ansar, ils lui ont prêté allégeance, etc. Il les a appelés à At-Tawhid. Et il les a... Donc il a demandé leur, donc ils sont venus lui prêter serment, hein? C'était leur initiative et lui il n'a pas dit donc voilà je vais vous promettre un tel, je vais le placer dans tel poste et un tel. C'est ce que font les Hizbi. Faites très attention à cela. Hein? Le Hizbi lorsqu'il rentre chez eux, il va commencer à avoir ses projets et ses rêves et ses postes et ainsi de suite. Alors que le Salafi, il appelle à At-Tawhid. Il est derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Hein, il est derrière le meilleur, hein, donc, homme. Hein, il est derrière donc le messager, alayhi salatu wassalam. Très bien. Le cheikh, il a dit, est-ce l'intention de faire tomber les états en place? Hein? Voici la da'wa des ikhwan. Ils veulent faire tomber d'abord les états, détruire les pays musulmans, hein, pour renaître. Hein? Est-ce l'intention, hein, de faire tomber les états en place en se rébellant contre eux? Voici leur projet, il est comme ça. Hein? En se rébellant contre eux, hein, même si le pouvoir y est entre les mains de musulmans. Hein? Et que ceux-ci gouvernent par la législation et appliquent les peines. Hein? Même le cas de l'Arabie Saoudite par exemple. Hein? Un pouvoir de gens qui sont des musulmans. Et beaucoup donc des autres sont des musulmans. Mais regardez la suite. En Arabie Saoudite, il y a cette particularité. Ils gouvernent par la législation. Et ils appliquent les peines. Même la peine, elle a été appliquée l'an dernier sur quelqu'un qui est de la famille royale. La peine capitale, la peine de mort, elle a été appliquée sur quelqu'un qui est, hein, sur quelqu'un qui est de la famille royale. Et donc, il a reçu, donc, c'est-à-dire, la peine. Hein? D'accord? Donc là, est-ce que donc un état qui est comme ça, qu'est-ce que vous demandez de plus? Est-ce que vous voulez, hein, faire tomber tout cela et vous allez pouvoir bâtir? Hein? Regardez ce qu'ils ont fait comme anarchie en Irak et en Syrie. Est-ce que cela va aboutir à un état? Jamais. Hein? Les Khawarij n'ont jamais eu un état. Faites attention à cela parce que le prophète a dit كلما ظهر منهم قرن قطع. Chaque fois que leurs cornes apparaissent, ils vont être coupés. Parce que ça, c'est une da'wa du khawarij. Regardez leur comportement et leur barbarie, comment ils tuent les gens, etc. Ça, c'était pas la da'wa du messager, alayhi salam. Hein? La da'wa du messager, alayhi salam, était une da'wa, hein, basée sur la science, basée sur rahma, sur la miséricorde, basée, hein, sur, c'est-à-dire l'ilm, hein, sur la science. Il n'était pas une da'wa anarchique. Hein? L'anarchie ne donne rien. Et c'est la preuve, c'est que donc ils vont, donc dans peu, inshallah ta'ala, ils vont être donc nettoyés de cet endroit. Hein? Allah Azza wa Jal sayatahhir al-ard min hadha al-hutala dil khawarij dawa'ish. Très bien. Donc là, le cheikh, il a dit, ceci est-il un bénéfice? Le fait d'appeler à faire tomber des états islamiques. Qui va profiter de cela? C'est les États-Unis, les grandes puissances, la Russie, qui vont venir s'installer, organiser des élections, et le temps d'organiser des élections, ils vont manger, ils vont exploiter les ressources, hein, faire exporter tout cela, hein, chez eux, les richesses, et par la suite, ils vont dire, on vous laisse avec, maintenant, le gouvernement va se constituer, donc vous aurez des élections, etc. Et on vous laisse, nous, on vous donne notre recette, qui est la meilleure, qui est la démocratie. On va vous laisser avec cette recette. Et vous allez, bien sûr, vous allez progresser. Hein, vous allez progresser avec cette idéologie perverse de la démocratie. Donc là, le cheikh, il pose cette question. Hein, il a dit, en fait, la prédication des frères musulmans avait ravagé les jeunes et ne leur avait pas profité. Elle les a corrompus et ne les a pas réformés. C'est ça la vérité. C'est que cette idéologie des frères musulmans, elle a corrompu les esprits des jeunes. Elle n'a pas profité à la jeunesse. Hein? Elle a corrompu les jeunes. Et pour ce qui est de ta parole, hein, que tu entends encore des éloges à son sujet dans les assises, ainsi que la lecture, hein, dans ses livres jusqu'à ces 7 dernières années, quand les frères s'étaient révoltés contre lui et lui avaient fait un abus. Fin de citation. Cheikh Najmi lui dit, je dis, est-ce que ceci est une preuve, hein, que tu entends parler de lui, tu entends des gens qui sont trompés, hein, des gens qui n'ont pas lu vraiment dans cet héritage. Hein, dans cet héritage de l'Benna et de Qutb. Hein? Si des gens ils vont faire ces éloges, c'est pas une preuve. La preuve c'est, hein, comme on a dit une fois, man alima hujjatun ala man lam ya'lam. C'est-à-dire celui qui sait est une preuve sur celui qui ne sait pas. Si quelqu'un par exemple il a vu cela, il a dit voilà, ils ont fait une da'wa. Hein? Mais quelqu'un il vient, il va dire voilà, leur livre il contient shirk, contient bida, contient ceci, contient cela, il va montrer les preuves. On doit suivre celui qui montre les preuves. Hein? Et parmi les grandes choses qui ont été critiquées, je pense que le Cheikh l'a mis comme deuxième ou troisième point, il a dit le sectarisme. Est-ce qu'il fait partie des choses, de ses apports, de ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il fait partie de ses grands apports? Hein? Ce qu'il a apporté. Hein? Le sectarisme qu'il nous a légué. Il nous a laissé la division. Le prophète, alayhi sallam, il nous a laissé la division. Le prophète, alayhi sallam, il nous a laissé avec une da'wa claire. Hein? Une da'wa claire. Hein? Une da'wa de l'islam qui est une da'wa claire. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a laissé à l'umma? Al-hizb. Une division. Hein? Une division et avec une idéologie. Hein, comme ça, qui va toujours essayer de se révolter contre les gouverneurs et de faire tomber les gouverneurs, même s'ils sont musulmans. Hein? Pourquoi? Parce que c'est les Ikhwan qui doivent prendre le pouvoir. Et lorsque les Ikhwan ils prennent le pouvoir, ils ne vont rien faire. Ils vont manger comme les autres partis. Hein? Et ils vont donc faire propager les bid'as et ainsi de suite. Parce que eux, ils ne connaissent pas Tawhid. Ils ne le connaissent pas vraiment pour se révolter contre le shirk. Hein? Ils ne trouvent pas révoltant que quelqu'un fasse ou bien commette du shirk. Hein? Donc là, c'est leur da'wa, c'est de faire tomber les gouvernements en place et donc c'est eux qui doivent prendre le pouvoir. Et le Cheikh il a dit, oh Allah, d'accord, mais un peu avant, pardon. Donc là, le Cheikh il a dit, est-ce que ceci est une preuve, c'est-à-dire les éloges de certains qui n'ont pas connu vraiment sa da'wa, est-ce que ceci est une preuve que des gens ignorent son statut, hein, sa voix et ce que renferme sa méthodologie comme calamité et erreur flagrante et font donc son éloge? Est-ce que ceci est une preuve? Si quelqu'un il ne connaît pas cela, il va faire une éloge, il va dire oui, ce que je connais de lui c'est qu'il était un derrière, d'accord. Ceci n'est pas une preuve et n'est pas une balance fiable pour conclure de la droiture de sa méthodologie. Ceci n'est pas une preuve. C'est-à-dire que si tu vas m'amener la parole de quelqu'un, hein, la parole de quelqu'un, donc c'est pas une preuve. S'il ne connaît pas, si quelqu'un n'a pas connu son statut, c'est pas une preuve. Lui, il a fait une éloge, hein, générale, que lui, voilà ce qui transparaît, c'est que t'es des gens qui s'intéressaient à la religion et qui essayaient de la propager. Mais là, c'est pas que, donc le regard de quelqu'un qui a bien vu dans cette secte. Très bien, il a dit le Cheikh, ceci n'est pas une preuve. Toi-même, dans ton fort intérieur, tu sais que ceci n'est pas un argument. Hein? Tu sais que ce n'est pas un argument. Parce que Ben Jabr, c'était un homme de science. Tu sais que ce n'est pas un argument que des gens ils rapportent cela, des éloges de lui. Hein? C'est pas un argument. L'argument, c'est que lorsque tu montres les preuves, tu vas montrer voici ses ouvrages, voici ses actions, voici ce qu'il a fait comme action pour propager la sunna, pour propager tawhid, hein, pour appeler à Allah, c'est-à-dire sur la méthodologie du salaf salih. Ça, c'est donc une da'wa véritable. Mais lorsque tu vas dire, mais un tel ne dit de lui que du bien, d'accord, ça, c'est pas une preuve. Toutefois, ou bien, en outre, ils avaient fait son éloge quand ils étaient dupes, hein, de l'aspect général de sa voix. Quand ils ne savaient pas vraiment, hein, qu'est-ce que cela recèle comme égarement à l'intérieur. Hein. Toutefois, dès qu'ils surent, c'est-à-dire dès que le genre de science ils ont su, dès qu'ils surent ce qu'il y a dedans, ils lui avaient reproché cela et l'avaient désavoué. Ils ont raison dans ce jugement. Parce que des gens de science, lorsqu'ils avaient une impression générale sur sa da'wa, ils ont dit, voilà, ça c'est une da'wa d'un tel, de Benna, de cela. Mais lorsque les gens de science, ils ont étudié ces livres, ils ont constaté ces choses, ils l'ont critiqué. Lui, il a dit, donc Ben Zabrin lui-même, jusqu'à ces dernières années, c'est ces dernières années, lorsque lui, il a écrit cela, ces dernières années, hein, les gens, ils ont commencé à le critiquer. Hein, les frères, c'est-à-dire nos frères, il a dit. Il a dit, les frères, les gens de science, ils ont commencé à le critiquer. Hein? Ils ont commencé à le critiquer parce qu'ils ont commencé à étudier vraiment ces livres. Hein? Alors qu'au départ, ils avaient rien que des choses, hein, générales sur sa da'wa. D'accord? Oh Allah, tu sais que nous ne voulons pas critiquer une personne pour elle-même. L'objectif de Najmi ou d'un autre savant. tel que Cheikh Al-Albani lorsqu'il critique, ou tel que Cheikh Al-Jami, ou tel que Cheikh Rabi', ou tel que Cheikh Muqbil, les gens de science lorsqu'ils critiquent, leur objectif n'est pas la personne de l'incriminer pour l'enfermer en prison ou bien pour salir son image. Non, c'est pas ça l'objectif. Hein? Ni parler pour elle-même. Hein? Non, pas pour parler en sa faveur ou en sa défaveur gratuitement comme ça. Non, mais plutôt que nous désirons montrer et mettre en garde les jeunes apprenants de science contre les méthodologies contenant des innovations et des égarements. Voici l'objectif. C'est nasiha pour la Ummah. D'accord? Nous ne les avertissons de ces erreurs que pour qu'ils ne soient pas trompés en entrant là-dedans. Hein? Voilà. C'est pour sauver les jeunes. Hein? Ratons ainsi la voie de vérité. Parce que le jeune qui va s'engouffrer avec les frères musulmans, il va rater la vérité. Il va rater Manhaj Salaf Saleh. Hein? Comme quelqu'un qui est très connu sur le YouTube, Rachid Abu Hudayfa. Regardez cette grande contradiction qui est vraiment risible, wallahi. Il dit, moi je suis, du verbe suivre, je suis Salaf Saleh. Mais je ne dirai jamais que je suis Salafi. Regardez c'est-à-dire cette ignorance, cette contradiction. Hein, cette contradiction. Comme quelqu'un qui va dire, moi je suis l'islam, mais je ne dirai jamais que je suis musulman. C'est la même chose. C'est la même chose. Dire que je suis sur la voie de Salaf Saleh, mais je ne dirai pas Salafi. Pourquoi tu ne vas pas dire Salafi? C'est parce que tu n'es pas un Salafi et tu n'es pas sur la voie de Salaf Saleh. Hein? Regardez, hada c'est un exemple de Ikhwani. Et il y a d'autres, Iqiyusan, il y a Nadir Abu Anas, il y a d'autres qui ont des audios comme ça. Il s'agit de ne pas écouter ces gens, mes frères. Hein? Il s'agit, vous avez donc des frères qui ont fait des efforts clairs, tels que le frère, notre grand frère en Égypte, qui est Mohamed Chalabi Abu Abdullah, qui est connu chez les gens de science de son pays et ailleurs. Il est connu chez les gens de science, Mohamed Chalabi. Il y a aussi un frère au Canada qui est Suleyman Al-Haïti. Hein, il a fait donc des efforts dans, c'est-à-dire dans l'appel à Allah, donc de traduction. Hein. Il y a donc d'autres frères comme ça qui ont fait des traductions. Il s'agit de prendre cela. Il y a le frère Abdelmalek Abu Adam aussi, il a fait des efforts de traduction. Il s'agit d'écouter ces gens, il ne s'agit pas donc d'écouter les égarés, tels que Abu Hudhayfa ou Nadir Abu Anas, ou donc les Hada que j'ai cité, Iqiyusan, ça sont des égarés, des Ikhwani. Hein? Lorsque quelqu'un affiche sa voix, il ne va pas se dire qu'il est salafi, il n'appelle pas à Tawhid, il n'appelle pas à la Sunna, il a honte de dire qu'il est salafi. Celui-là, c'est un égaré, hein, et qui veut égarer les gens. Hein, et qui veut égarer les gens. Parce que nous, on est obligés de suivre Salaf Saleh. Il y a des versets dans le Coran Karim qui nous ordonnent de suivre Salaf Saleh. Comme on a rappelé, hein, plusieurs fois. On les rappelle, hein. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُ مِنْ مُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Hein, voici une preuve. Hein. Une preuve aussi dans Sourate An-Nisa. Hein. Qui est, وَمَا يُشَاقِقَ الرَّسُولُ بَعْدِ مَسْبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى. Une deuxième preuve. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. C'est une troisième preuve. Et il y en a beaucoup. Il y a aussi dans Sourate Al-Anfal. Hein? Elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Allah, il parle des Sahaba, il dit, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Si ces gens sont الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, nous ne devons pas les suivre. Nous sommes obligés de suivre الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Hein? Donc il y a maintes preuves dans le kitab, il y a aussi dans la sunna, hein? Hein? Donc il y a aussi dans la sunna, c'est-à-dire ma ana alayhi wa ashabi, hein? Donc il y a l'ordre dans la sharia de suivre Salaf Saleh, alors que ces gens que j'ai cités, il y en a d'autres, hein? Ils disent non, on ne va pas dire salafi. Pourquoi tu ne dis pas salafi? Est-ce que où il y a le problème? Salafi, tu es fier, tu espères être salafi, tu dois espérer être un salafi. Et non pas avoir honte d'être un salafi. Tu dois le dire fièrement, avec fierté, dire moi je suis salafi, alhamdoulilah. Allah il m'a gratifié de sa ni'ma et de son grand bienfait qu'il m'a fait salafi sur la voie de Abu Bakr et Omar. Hein? Et non pas sur la voie de l'Banna et de Qutb. Hein? Et de Qutb. Ou bien d'autres, l'Ikhwan, donc le Tablir ou d'autres. Très bien, donc le cheikh, hein, il était en train donc de lui montrer, hein, que ça c'est pas une preuve que des gens fassent son éloge à une certaine époque. Et lorsqu'il le critique, tu vas dire, mais pourquoi il le critique maintenant? Ça c'est pas une preuve de dire qu'il y avait donc des éloges auparavant. Maintenant les gens ils le critiquent avec des preuves. Ils ont dit voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit, voici les preuves, voici ses citations. Ces citations, si on les mesure à l'aune de Kitab wa Sunna, sont des citations qui montrent l'égarement. Hein, qui montrent l'égarement. Très bien. Donc là, le cheikh lui dit, dire qu'il ne l'avait pas évalué à sa juste valeur est faux. D'accord? Dire, hein, c'est-à-dire que les gens bakhassou haqa, qu'ils ne l'avaient pas vraiment bien évalué et qu'ils ont été injustes à son égard, cela est faux. Hein? Il en avait parlé sur la base de paroles authentifiées qui leur étaient rapportées sur son compte et qui ont des références aux livres et aux pages. Ils l'ont critiqué scientifiquement. Hein? Ils l'ont critiqué scientifiquement. Il s'agit d'accepter la critique puisque c'est une critique fondée. Avec des preuves, avec des arguments, avec des citations, des références authentifiées. Cela se trouve dans les livres de ces gens. Hein? Donc là, le cheikh, il continue, il dit, est-ce qu'il l'avait déprécié quand ils font ces renvois afin de convaincre les jeunes que cette méthodologie est incorrecte, car elle contient vérité et fausseté, vrai et faux, telle une source ayant beaucoup de saleté et de mélange? Et à côté d'elle se trouve une source pure, limpide. De laquelle donc voudrais-tu t'abreuver? Hein? De laquelle voudrais-tu t'abreuver? Là, il y a une eau pure. Et là, il y a une eau, hein, une eau qui est trouble. Est-ce que tu vas prendre l'eau trouble et tu vas commencer à boire, subhanallah? Tu vas te diriger vers la voie de Salaf Salih qui est pure, alhamdulillah. Al-Nabi wa ashabu. D'accord? Hein? Est-ce qu'il l'avait de la sorte d'évaluer? Hein, est-ce qu'ils ne l'ont pas jugé à sa juste valeur? Hein? Je dis non et non, hein, dit Cheikh Najmi. Je dis non et non. Les cieux et la terre n'étaient élevés, ni les messagers n'étaient envoyés, ni les livres n'étaient descendus que pour confirmer le vrai, réprimer le faux, ordonner le convenable et désapprouver le blâmable. Voici l'objectif de la création et ainsi de suite. Hein? Hein? Si jamais l'univers ou plus précisément la terre viendrait à être dépeuplée de quelqu'un qui œuvre dans le sentier d'Allah avec le vrai, hein, et qui interdit le blâmable, alors la colère serait obligatoire et méritée. S'il ne va pas se trouver des savants qui vont critiquer le faux, hein, qu'est-ce qui va se produire, hein? Alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala serait obligatoire et méritée. Parce que personne ne défend sa religion. Ça y est, hein? Et quand la colère devient obligatoire, le châtiment descend. Hein? Lorsqu'il n'y a pas l'amr ma'ruf nahi al-munkar. Hein? Le châtiment descend. Hein? Et quand la colère devient obligatoire, le châtiment descend. Faites attention, ce sont des paroles très graves. Hein? Le châtiment descend. Et c'est ainsi que ce verset était interprété. Hein? Wa idha waqa'a 'alayhimu al-qawlu, hein? Wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وفي قراءة إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون d'accord. Et quand la parole tombera sur eux, traduction rapprochée du sens de ce verset, hein, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. خروج الدابة, la bête qui va sortir, hein, et elle va parler aux gens, hein. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes, hein, ou de nos versets. Ils n'avaient pas la certitude. Et les gens, ils se sont beaucoup éloignés au point qu'il n'y a pas l'amr ma'ruf nahi al-munkar. C'est le verset 82 de la sourate An-Naml, les fourmis. Qatada, voici, il va amener les paroles des exégètes. Qatada avait dit, la parole est tombée sur eux, hein. D'accord? La parole est tombée sur eux, waqa'a al-qawlu 'alayhim, hein, c'est-à-dire que le courroux était obligatoire pour eux. Hein, le courroux, ghadab Allah subhanahu wa ta'ala, était obligatoire pour eux. Hein? Et Ibn Umar et Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah les agrée, avaient dit, S'ils n'ordonnent pas le convenable et n'interdisent pas le blâmable, alors la malédiction devient obligatoire pour eux. Ils ne critiquent pas un égaré qui se rend auprès des tombeaux et ainsi de suite. D'accord? Et Abdullah bin Mas'ud dit: la parole qui tombe se fait à cause de la mort des savants. Hein? La disparition de la science et l'élévation de Al-Qur'an. La parole qui tombe, haqqal qawlu alayhim, c'est-à-dire, ils vont recevoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand? Par la mort des savants, maut l'ulama, la disparition de la science, inqirad l'ilm, la science va diminuer et diminuer, hein? Et aussi, à l'élévation du Qur'an, raf' al-Qur'an karim, là, ils seront punis. Hein? Je dis, dit Cheikh Najmi, je dis, il a peur de cela que l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable est un moyen de se parer contre la descente du châtiment et contre l'obligation de la malédiction d'Allah Ta'ala envers ses serviteurs. Ordonner le convenable, hein, et réprimander le blâmable. Et il fait partie de l'ordre du convenable et de l'interdiction du blâmable le fait de réfuter les erreurs de croyance, hein, quels que soient leurs auteurs et où qu'ils soient. Il fait partie de cette liste d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, de critiquer les erreurs, surtout lorsque ce sont des erreurs de croyance. Hein? Le cheikh, il pose la question maintenant: veux-tu que les gens du vrai se taisent, hein, et ne les clarifient pas, hein? C'est ce que tu veux. Veux-tu que les gens du vrai se taisent et ne clarifient pas cette vérité? Il ne le clarifie pas. Et qu'il se rétracte et arrête de l'épurer, hein, de ce qui s'y était infiltré comme intrus. Hein, ils ne vont pas dissocier le batil par rapport au vrai pour que les gens voient le vrai. Hein. Oh que non. Ceci ne sera jamais, inshallah, si Allah le veuille. Hein. Tant qu'il y aura des gens pour le hadith, hein, et tant qu'il y aura une possibilité pour la parole, hein, et que le vrai et ses gens ont l'ascendant et la chance de combattre, hein, c'est un charaf, c'est un honneur que d'être avec ces gens, hein, et de propager leur parole. Ils espèrent par là la satisfaction du grand, le sublime, hein, le grand, le sublime. D'accord? Donc là, voilà pourquoi les gens de science critiquent les égarés, hein. Parce qu'ils ont peur de cela, que nous tombe le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, il y a encore un peu de temps, donc on peut encore lire un paragraphe, sinon on va donc nous arrêter. Parce que oui, il est là. Il reste 5 minutes ou même pas, il reste 6 minutes, donc on lit encore un paragraphe, inshallah. Quant à ta parole, il l'avait attaqué sans une raison de le particulariser, puisqu'il y a des livres très connus qui sont pires que les siens, ou bien que le sien. Et il y a des meneurs vivants et morts plus déviants que lui. Je dis, hein, dit Cheikh Najmi. C'est-à-dire que Ibn Zubayr ici dit, El Benna, oui, c'était un homme qui avait des erreurs, hein, puisqu'il a dit, il y a des livres pires que le sien. Pire, c'est que lui, il est mauvais. Hein? Il a dit, mais il y a d'autres qui sont plus égarés. Critiquez les autres. Hein? Le cheikh, il dit, premièrement, alhamdoulilah, louange à Allah qui t'a fait dire la vérité à ton insu. Hein? Sans que tu t'en aperçoives. Hein? Il t'a fait prononcer cette vérité que lui, il est mauvais. Al-Hassan al-Banna. Alors qu'il est en train de le défendre. Hein? Car tu reconnais ici qu'il y a du mal dans ses livres. Et qu'il se trouve dans sa voie et son parcours, hein, de la déviance. Et combien il y a de ressemblances entre ta parole et celle des gens d'innovation sur le plan de la contradiction. Il y a un tanaqud, la contradiction. Tout innovateur, il y a la contradiction dans sa parole. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là me dit, moi je suis sur la piste de Salaf Saleh, mais je ne dis pas que je suis salafi. Subhanallah. C'est comme si quelqu'un, il est, donc, on lui pose la question, tu es musulman, il va dire, moi je suis en train de pratiquer l'islam, mais moi je ne suis pas musulman. Subhanallah. Ça c'est le propos de Rachid Abou Hanifa lorsqu'il dit, je ne suis pas salafi. Hein, je ne suis pas salafi. Subhanallah. Quel problème se trouve de dire je suis salafi? Je suis salafi, alhamdoulilah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, par sa grande ni'ma sur moi, il m'a fait salafi, alhamdoulilah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste pour rester sur cette voie de vérité, alhamdoulilah. Peut-être qu'on va nous arrêter, on va reporter cela, parce que ce point, il est lié à l'autre qui va venir. Alhamdoulilah, rabbil alamin, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.